Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! C'est parti. Eh bien, quelque part dans la galaxie, c'est le vide absolu, reflétant sur le scaphandre quelques lumières d'étoiles lointaines et les reflets de quelques crédits en apesanteur. Juste à côté de là, un vaisseau éventré. Des tirs résonnent encore à l'extérieur, sur la coque, tandis qu'un affrontement a lieu en scaphandre. On peut y voir des pillards des Barents et, bien évidemment, quelques pirates, puisqu'ils ont accroché à leur scaphandre des motifs bariolés et quelques morceaux de tissu pour se faire remarquer. Alors que les crédits continuent de flotter dans les airs, un énorme tumulte se fait au loin quand une plus grosse explosion derrière une planète proche laisse fondre sur cette première altercation quelques vaisseaux bien plus sombres, crimés du symbole de l'Empire Galactique. Une journée de plus pour des pirates, quelque part dans l'espace. Une journée de plus d'aventure, alors que, autre part, à des milliers de cadrans de là, des centaines, des dizaines, qu'en savons-nous ? Un voyage se prépare, un voyage en direction d'Havana. Madame, messieurs, vous êtes fin prêt à partir avec votre galactique basique en direction de la première station, donc MU-23, puisque vous êtes encore sur le système Exalia. Vous avez fait tous vos préparatifs, et il va être temps pour, effectivement, l'ami Harold de prendre le poste de pilotage et de quitter la zone orbitale et de prendre le point de saut afin de passer en hyperespace. Si tu le veux bien, afin de ne pas exploser, tu vas me faire un petit test de navigation vaisseau spatiaux pour manœuvrer, sortir du méandre absolu et de la foule de vaisseaux qui passent à côté des différents satellites, et notamment d'Exalia et d'Exa-01. 4 succès. 4 merveilleux succès. Joli. Tu passes tranquillement. Voix. Exact. Zigzagant avec souplesse, tel une dragonfly à travers les vaisseaux alentours. Et il te faudra quelques heures afin de pouvoir t'éloigner en vitesse ensuite de croisière pour rejoindre effectivement le point de saut, la zone limite qui te permettra de passer en hyperespace. Donc vous avez encore une demi-journée devant vous. Facilement avant d'y arriver, au moins, donc entre une demi-journée et une journée, donc en voyage interplanétaire, donc à une vitesse réduite. Le temps d'y aller, est-ce que vous avez quelques échanges, quelques derniers échanges avant de rejoindre le tunnel qui vous permettra de traverser une bonne partie de la galaxie, en tout cas 2, 4, 6, 6 cadrans en l'espace de quelques jours à peine. Bon, pas spécialement, hein, vu que j'ai déjà fait un discours la dernière fois en disant notre destination. Donc, pour ma part, non, rien de particulier. Belette. Moi, c'est un peu pareil. J'avoue que là, j'ai vraiment hâte à ce qu'on y aille, parce que l'appel du Rhum se fait sentir. Hein, à quel point j'attends avec impatience de goûter à ce rhum d'Havana qui Voilà. Ça me démange, hein. Donc, je suis assez focus. Le nez sur les senseurs pour voir si jamais il se passe quoi que ce soit. Voilà, je suis à l'affût, quoi. Ouais, mais c'est comme ça qu'il faut pour que tu te concentres, en fait. Te dire que au bout du chemin, il y a du rhum. Au bout du chemin, tu vois. Voilà. J'ai compris maintenant. Nev, est-ce que tu as quelque chose de particulier à préparer, à entreprendre avant de partir en hyperespace? Moi, je vais faire tous les contrôles pour m'assurer que le vaisseau est opérationnel. Allez, super. Bah, écoute, tu jettes un œil, tu donnes tes directives au matelot qui te seconde. Très bien. Quant à toi, Harold, est-ce qu'il y aura des manœuvres particulières ou d'autres choses avant d'entamer le voyage? D'ailleurs, est-ce que tu souhaites lancer toi-même, engager l'hyperespace, l'hyperpropulsion, ou est-ce que, comme le car risque de changer, tu tiendras à côté pour te reposer, prendre le premier ou pas? Alors, vu que c'est le premier départ avec notre vaisseau et tout ça, et moi j'ai envie de le marquer sur une pierre blanche, j'ai envie de le faire, bah oui, fait, hein. ce premier ah bah saut, oui. ce premier départ. Voilà. On va être là, on va être présent. Je propose même au capitaine, hein, monsieur Barthes, si ça vous dit, vous pouvez appuyer sur le bouton pour le premier saut. Hein. Faudra juste appuyer là quand vous dit. Déjà appelé. Du coup, toi, Nev, t'es dans les. La machinerie. Machinerie, hein. Passerelle pour machinerie. Oui. Est-ce que tout est prêt? Tout est opérationnel, capitaine. Monsieur Harold. À vous l'honneur. Très bien, capitaine. Préparez-vous, ça va. Normalement, ça devrait aller, mais on ne sait jamais. Hein. Nous avons toute confiance en vous. Eh bien, écoutez, et après, effectivement, le temps nécessaire pour rejoindre la zone de saut, eh bien, écoutez, à partir de là, c'est parti, vous passez en hyperespace. Dans l'espace de quelques secondes, mais effectivement, il y a un espèce de tunnel qui se crée, kaléidoscopique, tout autour de vous. Le tunnel, hein, la largeur du tunnel est à peine un peu plus large que celle du basique, de quelques mètres. Et bien évidemment, vous avez une partie du personnel qui vous accompagne, hein, des matelots qui ont rejoint votre équipage, qui ont tenté de se presser, qui sont les uns après les autres à différents hublots qui donnent accès sur la vision extérieure, mais surtout, puisqu'il n'y a personne qui est à l'heure actuelle, ils s'enchaînent les uns les autres au niveau de la tourelle, puisqu'elle, bien évidemment, elle offre une superbe vue sur l'espace avec, peut-être pas un 360, mais si on la fait tourner, on peut aller avec une grande verrière comme ça. Donc un par un, ils s'installent à la tourelle, non pas pour mitrailler, mais tout simplement pour absorber les beautés de l'espace. Vous voilà parti en direction de U23. Alors, en termes de consommation, puisqu'il faut parler consommation, c'est quand même, on est toujours dans l'OCG, le consumérisme est toujours là, il faut payer. Ah bah ça. Exactement. Donc quand on sort d'un cadran, en tout cas quand on veut passer sur la limite de saut, donc ça consomme à peu près 500 PC. C'est-à-dire que par rapport à la vitesse vous, de votre basique, si vous voyez un basique, en fait, sa vitesse, notamment en hyperespace, ça va être 500 PC jour. Donc ça veut dire que ça vous prend déjà, en fait, quand vous rentrez, vous quittez en fait la zone de saut, vous mettez une journée en hyperespace pour être à la limite du cadran. Ok ? Ok. Et après, il faut compter, bon, c'est les carrés, hein, il faut compter les carrés jusqu'à MU23. Et quand vous êtes à la frontière de MU23, là, en fait, vous arrêtez directement là pour sortir de l'hyperespace et arriver au niveau de la station. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en compte 7. Voilà. En sachant que pour traverser un cadran, la consommation, c'est... Il faut 1000 parsecs pour traverser un cadran. Donc, comme votre vaisseau, vous, il est à 500 parsecs jour, en termes de vitesse en hyperespace, ça vous donne le nombre de jours... Vous allez passer 15 jours en hyperespace pour traverser ce premier morceau. Ok. Donc, ce qui va nous intéresser, donc là, on a 15 jours. Après, on va de suite calculer le temps pour aller jusqu'à la prochaine station, Pi-28. Donc, pareil, on est à 9. Voilà. Donc, au moins 18. Qu'on peut y aller en diagonale. Tu peux, de toute façon, tu peux les traverser, c'est 1000 parsecs, il y a pas de, c'est des cadrans que tu traverses. Donc tu zones, tu peux te faire tes diagos, il y a pas de problématique par rapport à ça. Je fais 1 2 3 4 5 6. Voilà. Donc 12 ça fait 27. 27, faut compter une journée au moins d'arrêt, ça fait 28. 29. Donc il y a déjà un petit mois de voyage pour aller jusque là-bas, quoi. Toi, c'est long, hein. Merde, mais moi, un mois pour faire du moins, bordel. Mais t'avais oublié à quel point c'était long, les voyages, là, mais là, tu sais, la rationalité mais... de mon cerveau, elle est pas là. Tu préfères peut-être retourner à miner des cristaux. Alors, non, chef. Non, capitaine, on est d'accord. On est quand même mieux ici, hein. C'est vrai, mais bon, voilà, l'envie est tellement pressante que, évidemment, un mois, c'est long, mais bon. Ça vaudra le coup, évidemment. Donc, vous allez arriver, vous allez arriver sur Pi-28, ce sera le quatrième jour de la troisième semaine du deuxième mois galactique. Okay. Donc, ça va faire du temps. Mmh. Ouais. Ce qu'il se sera passé, tout simplement, c'est que je vais vous demander... un simple test pour ces premiers temps de retrouvailles avec l'espace, puisque vous vous retrouvez quand même enfermé dans une toute petite coque. Comment est-ce que vous avez occupé les 15 premiers jours à peu près? Moi personnellement, ça a été essentiellement de causer, faire connaissance avec les gens qui nous ont rejoints, parce que finalement on n'a pas vraiment eu le temps de faire connaissance avec tout l'équipage, parce que on a eu pas mal de choses à faire ces derniers temps. Surtout qu'on était parti avec le vaisseau de Tetch, Donc faire connaissance avec les membres d'équipage, se faire connaître un petit peu tout le monde, créer une espèce de famille, quoi, finalement, parce qu'on on est un équipage de pirates, donc maintenant c'est la famille. Et voilà, donc boire des coups, parce que j'imagine que quand même on a ramené, si ce n'est pas, c'est pas du rhum d'Havana, mais c'est du rhum de qualité certaine. Et picoler, rigoler, faire connaissance. Allez, voilà. Très bien, c'est noté. Pour moi, ça va être un peu la même. Faire connaissance bien avec l'équipage. Connaître les capacités de chacun, surtout, mais également profiter peut-être de l'espace de la soute ou ailleurs, je sais pas, pour entraîner un petit peu l'équipage, justement, alors pour ma part, surtout au combat au sabre, pour ceux qui veulent, et ainsi me maintenir en forme. Parce que je sais qu'à quel point, justement, ce genre de long voyage, on peut devenir un peu... s'encrouter. Donc, je tiens à garder un équipage en forme. Ça marche. Ok, capitaine. Donc, Belette, pareil, hein, je compte sur toi pour ça, hein, parce que... Bon, t'inquiète, il va y avoir des mandales. Et bim. Je te demande pas que de leur casser la gueule non plus. Non, mais bon, on les entraîne ou on les entraîne pas. Je vais pas leur faire des pichenettes. Alors, pour rappel, un galactique basique, en termes de fonctionnement, pour que ça fonctionne bien, il faut tout le temps donc un pilote, une vigie, un canonnier, un mécano. Donc en sachant que le mécano, il peut être soutenu. Après, par des petits motos, parce qu'il y a plus d'espace dans cette zone-là. Je vous ai remis le plan intérieur, donc c'est tout petit. Dans la salle des machines, il peut avoir effectivement plusieurs matelots, donc 4 matelots qui vont le soutenir. Donc l'idée, c'est que vous, l'équipage minimum, vraiment minimum, hein, c'est 4. Donc 4 pour le faire tourner. Donc si on fait 2 tours, ça fait 8. Et est-ce que vous vous souvenez combien vous aviez recruté de personnes ou pas? plus. Hein, moi, de tête, je crois que c'était une quinzaine, non? Ouais, ouais, il me semble que vous étiez une quinzaine. C'est-à-dire pour faire 3, pour tourner à 3. À 3 équipes. Ouais, c'est ça, on fait des 3 fois 8. Hein, voilà. Enfin, des... On fait des 3 équipes. C'est les 25 heures ici. Ouais, mais bon, on n'est pas à l'OCG, donc on va faire les 3 fois 8, nous. Juste pour être contradictoire. Donc vous avez l'équivalent de trois groupes. Donc je vous laisserai après définir exactement combien vous avez de personnes à l'intérieur. Puisque tout ça, ça conditionne aussi les rations, etc., etc., qui sont consommées chaque jour. Bah, en termes de nourriture et donc, pour refaire les plans. Je propose que du coup, nous y compris, bah, on serait 19. Bah, si ça te paraît cohérent que j'ai réussi à recruter une quinzaine de personnes. Enfin, pas, Si vous, en comptant vous... Vous pouvez être 15 au total en vous comptant vous-même. Sinon, ouais, sinon ça fait beaucoup. Hein. D'accord, ok. Ok, donc ils sont 11, sachant que bah nous on fera toujours un quart, hein, voilà. Mm. Ça fait que il y en a 8 et donc il y a toujours une équipe en repos ou bah en remplacement au cas où justement il y a un souci. L'un qui serait malade ou je ne sais quoi, tu vois, ça peut des choses des impondérables. Avec les scores que tu m'as donné, il me semble, si je dis pas de bêtises, que normalement, ça fait que vous avez 2 personnes dans la salle des machines. Donc en fait, avec votre score sur vos quarts, c'est que tu auras toujours, quoi qu'il arrive, un bonus de 1 dé pour le tous ensemble. Donc, il y aura toujours quelqu'un qui secondera celui qui est en poste, en officier cool. En poste sur la salle des machines. C'est cool. Ok, ça marche. Voilà, donc toujours un pilote, une vigie, un canonnier en actif. Un mécano avec toujours une personne pour le seconder. Mm. Enfin, un ingé avec quelqu'un pour le seconder. Allez, super. En ce qui concerne les Nev, toi, pendant ces 15 premiers jours, comment tu vas t'occuper? Donc, il y a les moments où toi, tu es en quart. Donc ça, quand vous êtes en quart, bah, vous faites votre taf de la même manière, mais quand vous n'y êtes pas. Alors, Nev, quand elle n'est pas en quart, elle va bosser... elle va travailler sur la technologie, en fait, sur essayer de travailler sur ses anciens projets, voir ce qu'elle peut utiliser avec la technologie qui est à bord. Elle va aussi former et s'assurer que les autres personnes qui de la salle des machines soient formées et à un niveau correct, parce que même si le capitaine les forme pour combattre, moi, oui, je vais les former pour que ben, on n'ait pas de soucis. Et que le vaisseau soit toujours en bon état. Ok. Très bien. Quant à toi, Harold, comment équipes-tu tes moments de pause? Alors lui, bah, Harold, avant tout, c'est un grand passionné de pilotage, bien sûr, mais aussi de lecture. Donc, il a pu récupérer quelques bouquins qui pendant ce mois, en fait, il va les dévorer... un à un, presque timidement, hein, sans forcément le montrer aux autres. Et de temps à autre, il va aider le capitaine à entraîner les troupes, si je peux dire. Et à s'entraîner lui-même aussi, parce que bah, a toujours besoin d'être entraîné. Super. Très bien, très bien. Alors, dans le principe en termes de repos, comment ça se passe? Donc vous avez le temps, vous êtes actif dans votre car, et après c'est un temps de repos. Donc ça veut dire que comme vous faites des petits trucs, c'est un peu 50-50, comme c'est pas très engageant, ça n'apporte rien de plus que du RP, il n'y a pas d'effet particulier en jeu. Si par moment, plus tard, vous voulez vraiment dire bah, pendant mon temps de repos, en fait, je vais pas vraiment me reposer, mais je vais entraîner les troupes au cas où il se passe un truc, à ce moment-là, donc vous serez compté comme étant fatigué pour le moment d'après. Par contre, vous pourrez avoir un petit bonus s'il se passe quelque chose, effectivement, sur le moment, les moments qui suivent. Ok, mm-hmm. Okay. Donc gardez-le juste en tête. Là, on le fait tranquillement. Et si tu veux, Harold, je vais te demander de faire un test de pilotage pour faire une action pendant que tu es aux commandes qui s'appelle surfer sur la vague. C'est-à-dire, tout simplement, tu as le tunnel hyperspatial qui miroite d'une infinité de couleurs. Et l'idée, c'est que pendant ton tour, pendant ta journée en fait, de taf, toi, tu vas... tenter en fait de border comme ça doucement sur le tunnel hyperspatial pour que le tunnel hyperspatial propulse un petit peu plus vite le vaisseau. Donc il faut être concentré. Et ça peut permettre généralement de gagner du temps, puisque ça fait en fait économiser du déplacement. Donc c'est un test de pilotage vaisseau spatial. Pour le faire dans les règles de l'art, avant de faire ton test, si tu veux, le premier tour, si vous voulez le faire vraiment à fond, on peut savoir si Neve a envie de te filer un coup de main avec les propulseurs. Donc tu peux faire, Neve, bien évidemment, ton test d'un jet en fait, pour dévier, par exemple, l'énergie qui se trouve au niveau des canons, puisque vous n'en avez pas besoin, ou des senseurs, pour faire une déviation d'énergie vers la propulsion. Donc tu fais un test d'un jet, c'est difficulté 1. Donc tout ce qui est... Donc c'est pas TD1, c'est difficulté 1, c'est-à-dire que tout ce qui est au-dessus de ta première réussite comme compte succès excédentaire, et en fait c'est autant de dés que Harold aura en bonus pour son test de navigation. Je peux l'aider aussi avec mon commandement. Ou pas. Le... 10 succès. C'est pas la peine. Ouais. Ouais, c'est... Ah, j'ai bien potassé le manuel. Ouais, j'avoue. Voilà. Elle est pressée d'y aller, tu vois. L'énergie, là. Sur un basique, tu auras rarement l'occasion de les aider, Bart. Non pas parce que t'es pas capable, en fait, mais il faut être dans la même zone. Et en fait, à côté du poste de pilotage, c'est la vigie. Et comme souvent, c'est Bullet qui sera à la vigie, tu seras considéré comme dans une autre pièce, en fait. Ok, ça marche. Par contre, tu peux aller aider... Donc pas Harold, pardon, comme je te disais, parce que pilote... Par contre, tu peux aller dans la machinerie pour soutenir Neve, et c'est tout. Parce que tu peux pas soutenir non plus le canonnier, puisqu'il est sur la tourelle tout seul. Voilà. Ok, ça marche. Donc, ça veut dire, Harold, que tu as droit à ton test donc de pilotage vaisseau spatial, avec 9 dés bonus, en sachant que c'est un test difficulté 1, encore une fois. Je devrais le faire. 9 dés bonus. Allez, attention, hein. Oh la brouette. Ah bah, allez, succès aussi. Ouais. Allez, on met une semaine pour ça, c'est pas un équipage de qualité, hein. Donc, à l'image de leur capitaine. Je pense qu'on a tous envie de boire du rhum. Donc chaque succès excédentaire, c'est 100 parsec, 100 PC en fait d'économiser, ce qui veut dire que grosso modo... si on fait une moyenne de temps, on va dire que tu es à 50% dessus. Si 50, on va faire 50-50, ça fait que tu as pu faire économiser. Il y avait 2 semaines, tu as fait économiser 5 jours de voyage sur des scores similaires, on va dire, sur la première partie. Et sur la deuxième, ça fait 5, 6, 7. Donc tu as fait économiser 7 jours, entre 7 et 8 jours de trajet au total en faisant ça. Bien. Donc tout l'intérêt. Ce qui permet, moi, sur 7 jours au total, on était à 2, 3, 4. Hop, 2, 3, 4, de remonter de 10 points quasiment. 2, 3, 4. 2, 2, 4. Ici, voilà. Tac, je me mets là. En 2, 2, 5. Hop. Très bien. On considère que vous avez fait tous les pleins. Vous êtes... sur la station, donc Pi-28, vos codes, vous avez rentré les codes, etc. pour vous accoster, vous avez refait les pleins, tout est bon, toutes les dépenses ont été faites. Est-ce qu'avant de quitter Pi-28, vous avez de dernières actions à faire? Alors, quand vous êtes arrivé sur Pi-28, vous avez bien évidemment vu qu'il y avait de grands drapeaux et de grandes imageries à l'Empire de Sol, puisque c'est une station qui est située donc dans l'Empire de Sol, au-delà des frontières de l'Empire de Sol. Vous avez eu droit à des comptoirs commerciaux de l'Empire de Sol, mais ça reste très très léger, puisque c'est excessivement réglementé, donc c'est plutôt des gris-gris, des souvenirs, des éléments de propagande, des choses pour communiquer la grandeur de l'Empire de Sol. Bien évidemment, vous vous êtes dit qu'il y avait peut-être un souci quelque part, puisque la plupart des communications sur les nouvelles du front et de la guerre avec l'Empire Galactique, c'était l'Empire de Sol est en train de gagner, l'Empire Galactique c'est des vieux faibles, donc voilà, quelque chose qui était un petit peu surfait. Et donc, vous avez pu goûter quelques mets, si vous voulez, emblématiques de l'Empire de Sol qui sont présents dans les cantines et les restaurants du coin. Mmh. Donc surtout quelques soupes, quelques viandes et des espèces de légumes qui sont dorés. Donc il y a des espèces d'épices et d'huile qui rendent les aliments un petit peu brillants, un petit peu dorés. Alors ça a un goût pas transcendant. C'est peut-être plus un truc marketing pour les gens qui passent à la station en leur disant allez sur sol, vous verrez, la vie est belle, qu'autre chose. Et tout un tas d'annonces. Devenez vous aussi serf de l'Empire de Sol, c'est une belle vie, la servitude, il n'y a que ça de vrai. Donc, voilà. Dis ça à des pirates, tu vas voir la servitude. C'est pas de là où tu es originaire, Belette. Non, c'est non, je suis de l'Empire, l'Empire galactique, moi, tu vois. D'accord, ouais. Voilà. Ouais. En tout cas, en plus, vu qu'on a réussi à gagner du temps avec Harold, hein, je pense qu'on prendra suffisamment le temps pour que chacun ait un bon, une bonne perme, en fait, hein, sur la station. Libre. Ouais. La récompense, le trésor préféré des capitaines, parce qu'il coûte rien, quartier libre. C'est ça. Bien évidemment, on prendra le temps de refaire les réserves de Rome ou de... On fait les réserves de tout. Voilà, mais essentiellement de Rome. Non, mais il faut se nourrir aussi. Hein. Alors, ouais, je sais que, mais c'est nourrissant. C'est pas une notion, en fin de compte, que tu as forcément, mais... Ah, voilà. Donc vous n'avez plus de rhum avané dans les soutes, bien évidemment. Ah, merde. Il n'y en a plus. Ah bah oui, hein. Aïe, hein. Il y en avait bah pas non, bah Bulle était passé par là. Il y a 3 jours, il avait déjà plus. Je t'avais dit de rationner. Alors. Tristesse. C'est direction Havana, système Havana. Ah bah oui. Ah bah ouais, hein. Ah bah un peu, là-haut. 1, 2, 3, 4, 5. Alors. Pour vous rendre sur Havana, vous devez faire un test, effectivement, de déterminer le cap. Donc, vous savez où c'est, cependant, c'est un système dit mystérieux. Donc, on va le faire dans les règles de l'art sur la première fois. Donc, c'est un test de navigation. Donc, plusieurs calculs, etc., qui vous permettent, en fait, de définir la meilleure route. Cependant, comme c'est un, encore une fois, un système mystérieux et inconnu, c'est un test qui est TD. Donc vous pouvez vous mettre à difficile. Plusieurs pour faire l'enchaînement des calculs, bien évidemment. C'est une action complexe de toute façon, et comme c'est un système mystérieux, il impose certaines difficultés. Donc ça va vous prendre une heure. Ouais, et vas-y. Voilà, il faut tout simplement faire une seule réussite. Donc vous pouvez vous mettre à plusieurs, à quelques-uns pour faire votre test de navigation. Donc j'imagine les meilleurs d'entre vous, alors très certainement... Harold dans un coin. Peut-être Neve aussi. Je ne sais pas. Moi, je suis pas ouf en navigation. Hein, moi, je t'ai donné des ordres. Ouais. Navigation aussi, ouais, je peux. Peut-être. Donc, celui qui est le personnage principal qui va, on va dire, englober les calculs, va faire son test. Et s'il y a d'autres personnes pour l'aider, il gagne tout simplement un des bonus par personne qui t'aide, en fait, pour faire tout cet amalgame de calculs. Afin de prendre en considération les champs d'astéroïdes possibles, les éruptions solaires, toutes les influences gravitationnelles, en fait tous les différents mouvements que vous allez traverser en étant en hyperespace pour éviter justement qu'il se passe un truc et que vous soyez désintégré au milieu de votre tunnel. Ça serait con. Logique. Bon, j'imagine, Neve, tu as un peu m'aider. Oui. Ouais, bah super. Hein. Attends. Que je sorte ma calculatrice, mes feuilles, mes diagrammes, mes patati, mes patata. Très bien. Voilà. Ouais. Allez, double 6. C'est bon. Ah bah écoute, donc ça te prend quand même un peu plus d'une heure. Hein. Ça te prend entre 2 et 3 heures. Du fait du côté mystérieux du système. En plus de ça, il est proche, comme tu peux le voir sur la carte, du triangle d'ailleurs. Tu es parti d'une zone avec des perturbations. Spatiale assez importante, donc on évite généralement d'y mettre les pieds, sauf quand on est des pirates à la recherche du trésor, bien évidemment. Donc écoute, après quelques heures, tout est paré pour partir. Vous avez fait le plein, le point est bon. Encore une fois, ça va être l'heure pour toi de décoller. Donc, de la même manière, un petit test de pilotage. Donc, c'est un astroport, un spatioport, pardon, tout à fait station spatiale standard. Donc, c'est 2 succès pour y réussir, pas de difficulté particulière. Ce qui te permet de vérifier ton alimentation en énergie, la pressurisation, les différents indicateurs télémétriques, et hop, tac, d'enclencher les manettes et de filer en direction de l'infini. Un test de pilotage vaisseau spatial. Et au-delà. Pour moi, tout est OK, capitaine, j'attends votre ordre. Et j'initialise la séquence. Monsieur Harold, toute vitesse. En route vers Havana. Hop là. Allez. Quatre succès. Eh ben écoute, tu t'éloignes tranquillement de la station. Tu peux effectuer à loisir quelques vrilles si tu en as l'envie. Et quelques temps après, voilà. À bonne distance. C'est l'heure, une nouvelle fois, d'enclencher, effectivement, après les calculs de saut qui ont été faits dans la foulée. Donc en calcul de saut, hein, donc je ne vais pas vous le faire faire, mais c'est pareil, hein, c'est encore une fois un test de navigation. Et de la même manière, là, comme tout a été fait comme il faut, vous pouvez avoir un petit peu de bonus. Et comme c'est un système mystérieux, c'est encore une fois un TD, de toute façon, pour y aller. Tout est bon encore pour ça. Navigation, c'est ça. Non, on va se le zapper celui-là. Mais normalement, tu as le calcul de soi à faire. C'est pareil, pour calculer encore une fois, tu as toujours plein de petits calculs. Et c'est le dernier test après à faire. Donc, comme vous avez déjà fait le reste, on va pas faire des jets de dés pour faire des jets de dés. Nous sommes en hyperespace. Et afin de terminer cette dernière ligne droite en direction d'Havana, je vais vous proposer de faire votre voyage comme il se doit. Donc, chaque jour, à partir effectivement du moment où vous allez quitter le cadran, donc ça commencera tranquillement aujourd'hui même, hein, pour quitter, ça première journée pour quitter le cadran, on va faire donc un test pour gérer en fait des périls. Donc pour chaque jour de voyage, en sachant que il y a le test de péril et derrière il y a la possibilité, bien évidemment, de faire encore des actions. Que si vous n'avez pas de péril, tu pourras encore tirer des bords pour surfer sur la vague pour gagner du temps. Donc pour commencer, s'il vous plaît, il va me falloir faire un test avec 2d6 que vous allez pouvoir additionner. Donc au choix, l'un de vous qui se sent, jetez 2d6. Je vais y aller, capitaine. Allez capitaine, à vous l'honneur. Hop, donc je fais un lancer générique. Hein. Un 6 et un 4. Yes. Et je vais te redemander de, encore une fois, relancer 2D, s'il te plaît. Eh ben, 2-5. Ben voilà. Hop. Alors, 10-10. Tac, nous en sommes là. Hop. Tac, tac. Alors. Combien rayonnement. Tac. Regarde. Non. Mais péril hyperspatiaux. Tout va bien, vous êtes heureux. Ah. Tant calme. Tombé sur une épave avec un gros coffre dedans. Vous êtes riche. Bolette, tu peux me faire un test de senseur. Oh merde. Avec un malus de rhum. Alors, senseur. Ah, c'est pas terrible ça. Si, 2 succès, c'est bon ça. 2 succès. Eh ben écoute. Effectivement, c'est ce que tu es en train de te dire, Bart, vu ce qu'est en train de balbutier Belette. Tu te dis que ou les senseurs sont déréglés, ou la vigie a bu, ce qui est fort probable. Les deux. Sur le deuxième. Bien évidemment. Tu vas bien. C'est pas le problème. Donc, bon. Belette sera interdit de rhum. Hein, Oh non. Pendant 3 jours. Trois jours. Eh bien écoutez, vous savez bien que chaque vaisseau, hein, quand il part en hyperespace, chaque vaisseau en fait se crée son tunnel. Donc il y a un tunnel pour un vaisseau, c'est la règle. Cependant, toi, Belette, t'as repéré quelque chose de pas normal, parce que t'as repéré quelque chose de solide. Donc ça a pas l'air de peser lourd, même pas la masse d'une corvette, mais c'est déjà suffisamment bizarre comme cela. Donc il y a d'autres trucs solides, en plus ça va très très vite, beaucoup trop pour ne pas être dangereux pour vous. Il y a des trucs solides dans le tunnel, devant vous, qui viennent à fond les ballons dans votre direction. Donc on est sur la même route, quoi. On va dans le tunnel. Alors, chef, capitaine, je veux pas vous alarmer, et là, attention, j'ai pas bu, ok ? Alors, un petit peu, mais pas plus que d'habitude, en tout cas. Il y a quelque chose qui vient dans notre direction, c'est pas normal, et ça vient vite, en tout cas. Monsieur Harold ? Oui, bah, ça vient de par où ? C'est a priori, en face. Ça arrive en face de nous. Droit devant. Toi, tu vois effectivement des espèces d'éléments qui commencent à scintiller à travers la verrière du poste de pilotage. Et au loin, avec la forme que ça a, t'es en train de te dire bordel, c'est des débris. Des débris flottant dans le tunnel hyperspatial. Donc t'es relativement surpris, mais c'est surtout que t'as des morceaux d'un vaisseau spatial qui sont là, à toute vitesse. Et si l'un d'entre eux commence à toucher votre vaisseau, il y aura forcément de la casse. Il va falloir faire un truc tout de suite. Sur Roll, évitez-nous tout ça. Voilà, je vous rappelle que vous êtes en poste, donc même si aucun d'entre vous, en tant que PJ, bien sûr, en tant que membre d'officier d'équipage, ne se trouve au niveau des canons, vous avez quand même quelqu'un qui est à la tourelle. J'ai essayé d'esquiver, mais il va falloir que j'ai de l'aide, quelqu'un à la tourelle, pour défoncer le gros des débris. Capitaine à la tourelle, tirez sur les débris. Allez. Alors, je vais demander un test à 4D, un test d'armes embarquées. Donc la difficulté est de 3, et après il y aura un test de vaisseau spatial. Bien évidemment, avant de faire ce test, sauf si vous l'avez déjà fait, le choix c'est toi, Nev, qui est aux machines. Tu peux à chaque fois en fait décider de mettre un malus à l'un des postes. Donc encore une fois, c'est où tu mets un malus à la vigie, où tu mets un malus au pilotage ou au canon. Et en contrepartie, tu peux faire dériver l'énergie à un autre endroit pour filer un bonus. Donc à ce tour-ci, on va faire normal parce que la vigie a détecté. Si on veut refaire un truc derrière, si ça prend un peu de temps pour les traverser, on va voir ça. Tu pourras faire une dérivation d'énergie. Donc un test à 4D, difficulté 3 pour le coup de canon. Les coups de canon. Qui veut ? Bah je vais le faire. Hein. Bah c'est capitaine. Hein. Bah voilà, ça valait le coup. 3 succès. 3 succès. Donc ça veut dire aucun succès excédentaire, parce que c'est difficulté 3. Mais c'est bien parce qu'il n'y a pas de malus, tout va bien. Et après c'est un test de vaisseau spatial pour essayer de slalomer entre les débris. Donc ça mitraille, ça fait péter quelques morceaux, ça les dévie. Mais c'est pas forcément ça qui va te faciliter la vie, Harold. Il va falloir compter sur tes talents de pilote. Ok. Je vais craquer les doigts, bien sûr. La tête. Casse un doigt. J'y vais. Oh ! 4 succès. Donc, difficulté 1, ça fait 3 succès excédentaires. Ce qui me permet de vous dire que, eh bien, écoute, tu traverses les débris. Vous entendez quelques morceaux qui tapent contre la coque de votre vaisseau et le basique subit 5L. Ok. Donc c'est des petits dégâts légers. Est-ce qu'on a un endroit pour le noter, ça ? Moi, je peux me le noter quelque part. Ah oui, attends. Normalement, dans ton onglet vaisseau, ils ont égratigné la peinture, patron, enfin, capitaine, la peinture, elle était toute fraîche, toute belle. 5 légèrement endommagé. C'est pas cool ça. Yes. Ah bah. Oui. Eh bien écoutez, vous avez traversé ce champ de débris. En tout cas, ces morceaux de débris qui flottaient dans le tunnel. C'était très impressionnant, peut-être plus impressionnant que dangereux. Heureusement d'ailleurs que Harold a bien géré le truc. Parce que effectivement, si vous n'aviez eu aucun succès en excédent, ça aurait pu mettre le voyage à l'arrêt. Personnellement, capitaine, je pense que ça vaut bien de trinquer pour cette magnifique esquive. Non, il faut rester concentré. Vous voyez que n'importe quelle déconcentration coûtait très cher. Nous sommes en territoire inconnu. Nous ne pouvons pas nous permettre ce genre de plaisanterie. Bon, je reste concentré. Alors pour la prochaine, pour le prochain arrêt. Alors là, il fait un trait au niveau du senseur. Allez, suite à ça, et ben écoutez, après cette journée, ce temps à gérer tous ces périls, ce qui est déjà suffisamment fatigant en soi, vous pouvez pour aller accélérer un petit peu les choses, vous avez effectivement une action sur l'équipage en poste. Donc ça va être par exemple pour toi, Harold, surfer sur la vague. Ça peut être de continuer la vigie à essayer de sonder un petit peu le tunnel pour voir s'il n'y a pas d'autre chose. Ça peut être pour les machineries de dériver sur le reste, effectivement, l'énergie pour essayer encore plus vite, mais du coup, ça empêchera s'il y a d'autres choses qui se passent au niveau d'après, au quart d'après, ça va un peu les embêter, etc., etc. Donc, qu'est-ce que vous faites de votre quart alors que vous êtes en poste? Bon, après, je pense que pour ma part, c'est des vérifications classiques de senseurs, justement suite à ce qu'on a à ce qui vient de se passer, pour être sûr qu'il n'y ait pas encore des débris qui puissent, pour ma part, venir nous emmerder. Ouais. C'est la seule chose que je ferais, honnêtement. Bon, je suis un peu déçu que le capitaine il n'ait pas voulu qu'on fasse un petit trinque, mais c'est pas grave, en même temps il a raison, c'est le capitaine, c'est lui qui sait. Voilà, mais je vais faire mon boulot. Ok. Harold, tu veux tenter de surfer sur la vague en plus? Bien évidemment, hein. Allez. Est-ce que Nev, tu veux faire une dérivation, en sachant que si tu fais une dérivation, le quart suivant, tu vas mettre un malus quelque part. Je vais laisser un rôle de gérer son truc. Hein. Non, c'est bon. Tous les autres systèmes. Hein. Ouais. Non, j'ai confiance. Pas de soucis, je garde tous les systèmes opérationnels. Mais je fais pas de dérivation. Surfons. Allez. Bim, bam, boum. 5 succès. Alors, 5 succès, ça fait 4 excédentaires. Donc, premier jour, donc vous étiez au plein, hein, vous aviez le plein, etc. Donc, ça vous a permis tout simplement de parcourir 400 PC supplémentaires. Donc, vous faites quasiment le double de vitesse. Donc, c'est-à-dire que vous avez quitté, non seulement vous avez quitté le cadran. Ah, d'ailleurs, tiens, on va faire ça. Scène, position, tac. Voilà, il est où? Il est là. Non seulement vous avez quitté le cadran, mais vous êtes au milieu de l'autre cadran. Voilà, très bien. Tac. Cool. On avance vite, on n'est pas loin. Alors, jour suivant, vous vous reposez. Cependant, comme vous êtes au repos, ben ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas comme ça. Il va me falloir, encore une fois, un test. Donc, l'un d'entre vous, avec deux merveilleux D6, pour savoir quel péril... Capitaine, j'ai fait le premier, qui d'autre? L'équipe de car, bien évidemment, comme toutes les équipes de car, qui ne sont pas nommées, c'est des tests à toujours 4D1. À 4 ou 5D, 4D1. Faire simple. Ouais, Beria, vas-y, fais lance 2D6. Donc 2D6. 2D6. Sur quoi, générique 2D6, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu mets 2 et. Clique sur lancer générique. Ouais, tu peux le faire deux fois d'affilée si tu veux, parce que le premier donne une catégorie d'événements. Et le deuxième, c'est le détail. 4. Ok. Et le deuxième. Hélice, 4 hélice. C'est quoi pour elle? Ben c'est bien. Alors, juste avant, à titre indicatif, c'était bien évident que vous donniez un phénomène astrophysique malheureux. Ok. Et pour contrebalancer, Nev vous a récupéré un phénomène astrophysique heureux. Ah, ah bien, voilà. Temporel. Hop, en plus de ça, comme. Oui. Vaut mieux que ça arrive quand on n'est pas en quart. Hein. Vaut mieux que les merdes arrivent quand on est là. Nous, on va tout louper. Genre, oh, regarde, c'est magnifique. C'est dommage, le capitaine, il dort. Eh ben, écoutez, Vous êtes en train de vous reposer et vous passez votre journée comme vous l'entendez, vous lisez vos petits bouquins, vous êtes là. Quand vous reprenez votre car, donc vous tournez à 3 ou à 2, vous tournez à 3, pardon. Donc quand le car oui. suivant arrive, il y a quelqu'un qui vient te voir, Bart, pour te dire que c'est bizarre, parce que ça fait normalement ça fait un jour que vous êtes en train de vous déplacer. Cependant, l'horloge galactique du vaisseau, quand eux ils ont pris le car, elle a pas bougé. C'est comme si on était la journée d'hier. Pourtant, vous vous êtes déplacé. D'accord. On est tombé dans un phénomène du continuum espace-temps qui est déréglé. Bah, je vais aller chercher Nev parce que c'est quand même plus intelligente. plus à même peut-être de comprendre ce qui passe. Voilà. Et on va on va aller, dans le cockpit, voir ce qu'il en est, ou peut-être aux machines. C'est peut-être que la salle des machines nous permet. Il y a plus de place. Bah ouais, c'est ça. Et puis de pouvoir analyser tout ça. Donc sous le poste de pilotage, t'as la zone où vous pouvez faire vos calculs, etc. Donc une autre possibilité, donc tu peux aller à la salle des machines pour voir si tous les mécanismes fonctionnent bien pour faire un check. Et après t'as aussi tous les systèmes donc d'horloge effectivement galactique avec les systèmes de calcul qui sont sous le poste de pilotage. Et Nev, quand tu vas là, tu commences à démonter toi un petit peu l'horloge pour voir si ça fonctionne bien, si tout est là. Vu tes talents d'ingé, je vais pas te faire l'injure de te demander un test. Le fait, c'est un succès, hein, donc c'est très facile pour toi. Le fait est que tout fonctionne très bien. Donc, effectivement, d'une manière ou d'une autre, il s'est passé un truc qui fait que le temps où c'est étiré, où c'est ralenti, où il y a un truc, mais c'est comme si vous aviez eu un jour gratuit. Bon, bah tant mieux, hein, mais je le décompte pas sur la punition de Ballette. Oh merde! Oh non! Oh, c'est pas juste! Aïe aïe aïe! Allez, je vous invite à refaire pour le jour suivant. Donc, vous êtes toujours en repos. Parce que, comme vous êtes trois équipes à tourner. Ouais, ouais. Donc, 2d6 et 2d6. Allez, à qui tour? Harold, ce coup-ci? À moi? Très bien. Ouais, allez. Bah vas-y. 2d6. Là, et 2d6. 7 et 10. 7 et 10. Eh ben écoute, c'est très bien. Donc, ça va. Vous n'avez que de belles choses qui vous arrivent. Unicosmic. Hop là. Panne de générateur, on n'est pas au bon endroit. Que de belles choses, pas de générateur. Explosion du cœur directeur. Voilà. Okay. On n'a pas eu de films sur de belles choses. pendant que vous êtes en train de vous reposer, vous êtes en train de vous reposer tranquillement et à un moment donné, vous entendez comme une sorte de sifflement à travers l'espace, à travers qui résonne dans. Dans toutes les espaces du basique, c'est assez étrange. Et ce sifflement, petit à petit, il va s'intensifier, se transformer. Les tonalités, des vibrations, des variations dans la tonalité, pour se transformer en un chant. Et tout autour de vous, les courants énergétiques se mettent à chanter. Et certains d'entre eux, quand vous vous approchez d'un hublot ou que vous montez effectivement les petits échelons pour voir vers les verreries, certains mouvements d'énergie cosmique sont devenus carrément visibles. Donc vous avez comme des chants, vous les voyez presque à l'œil nu et vous les entendez, ils sont très mélodieux, c'est très reposant, c'est très joli. Et différentes variations, alors c'est un peu mystique, comme des voix, des instruments complètement impossibles. Mais vous passez une journée entourée, une partie de la journée, de ces harmonies cosmiques. Vous pouvez faire, si vous le souhaitez, un test de science stellaire, pour ceux qui le souhaitent. pour savoir si vous reconnaissez effectivement ce péril. Capitaine, je pense qu'il est temps pour moi de boire quelque chose parce que j'entends des trucs bizarres. Je dirais même, je vois même des choses bizarres. Science stellaire. Bah écoutez, oula, pas grand chose. Ah, faire. C'est difficulté 1, c'est quelque chose qui. C'est une beauté. Ça s'appelle. Alors, ça fait partie des catégories des beautés de l'espace. Et ça fait généralement le plaisir de tous les matelots. Moi, bon, ça énerve généralement les Bosco. Hein. Voilà, il y a une fréquence, hein, donc il y a une certaine fréquence sur laquelle les courants énergétiques, les tunnels hyperspatiaux, ils produisent du son. Et donc c'est une espèce d'heureux hasard, parce que c'est fort mélodieux pour les oreilles méta-humaines. Donc ça berce, ça motive, donc les gens qui sont au repos, etc., bah, ils sont contents. Mais ça fait une espèce d'harmonie plutôt calme. Donc c'est une journée qui est plutôt sur la détente. Donc comme vous êtes un petit équipage, ça va. Et autant dire que quand il y a des gros équipages et qu'il y en a qu'il faut qu'ils briquent le sol, ça les aide pas trop à bosser. Mais plutôt à faire la sieste. Voilà. Ah bah, j'avoue la tête dans l'éponge. Je profite de cet instant dans ma cabine, en fait. Hein, où je vais peut-être pas trop sortir de ma cabine justement ce jour-là. Et repenser, justement. Prendre mon médaillon et regarder le... Me rappeler le visage d'Isabella, tout simplement. Je veux pas jouer les troubles paix, ni briser ton rêve de cabine. Ah. Mais un galactique basique, la cabine du capitaine, c'est les quartiers, donc il y a des hamacs en fait. Alors, ouais, bah, j'ai mis des rideaux. Au niveau de mon hamac. Voilà. Pour avoir un peu d'intimité. T'entends le ronflement de boulettes derrière. Bah, tu vas recevoir un truc sur la tête. une vibration, en fait, quand ça fait tomber un truc. Qui rêve de sa vie de jeune soldat quand il faisait des pompes, engueulé par son lieutenant parce qu'il n'en faisait pas assez. Un bon moment, quoi, que des bons souvenirs. La vie de rêve, quoi. Ah bah, non, mais voilà, bah, je vais être sur mon paddock et puis simplement, voilà. Donc c'est vrai que éventuellement bah, ceux qui passeraient par là me verraient perdu dans mes pensées tenant mon médaillon mon précieux médaillon à la main. Super. Au choix, vous avez installé une cambuse de fortune ou au niveau de la soute, parce que c'est l'espace le plus important, donc entre quelques conteneurs que vous avez encore, ou dans l'espace qui se trouve sous le poste de pilotage, pensez à un peu plus de fortune. Donc ou une grande table, ou une grande planche, etc., pour grailler, pour se retrouver autour. Ce qui fait que si vous vous posez la question où se trouve la majorité des gens au niveau des autres groupes qui tournent, tout le monde est généralement à la cambuse, ou en train de jouer, ou en train d'échanger, de locker, de faire des trucs, voilà. Ou alors en train de se reposer. C'est les deux endroits où vous allez trouver les membres d'équipage. Généralement, la cambuse, c'est la zone où il y a... Peu importe l'heure, il y a au moins toujours 2-3 personnes qui sont dedans. Quoi. Voilà, c'est toujours vivant. Okay. Eh bien, c'est de nouveau à vous de prendre votre tour. Et pour ce faire, il va me falloir effectivement 2d6. Et il me semble que c'est au tour du chanceux Belette. Ben oui, ouais. C'est alors, ça. Alors, juste parce que je me rappelle jamais, dans lancer générique, j'ai juste à mettre 2. C'est ça. Ouais, okay, ça marche. Alors, et tu cliques sur lancer générique. Dans lancer générique, alors ce sera un 7. Allez, Steven. Yes. Et après 6. Celui-là, il est bien. Ah, il est bien, mais dans, pour qui ? Ouais. Pour toi ou pour nous ? C'est ce que t'as dit, c'est ce que t'as dit pour les 4G qu'on a à chaque fois. Bon, pour l'instant, vous n'avez pas trop de trucs critiques quand même, hein, parce que le phénomène malheureux, c'est quand même le phénomène malheureux qui est, je dirais, un des plus soft ou le plus soft de tous, quoi. Ah, tu dis ça, c'est donc, parce qu'on a un bon pilote. C'est ça, c'est ça. Je sais, je l'ai pas dit. Non, l'autre, il se l'a raconté. Souviens-toi la première fois, hein. Ça a été un peu catastrophique. Non, mais c'était, non, mais c'était aérien. C'est pas pareil. Il était rouillé. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, vraiment, il avait les mains calleuses à force de piocher. Non, mais c'est vrai qu'on était sous l'atmosphère. Hein. Aérien et spatial, c'est pas du tout la même chose. Bah ouais. Ouais. Eh bien. Les senseurs révèlent Belette des changements dans la signature énergétique du tunnel hyperspatial, comme si sa forme, sa densité devait évoluer. Fort heureusement, après un rapide check de vérification, le navordinateur, lui, ne montre aucun changement, et dans la trajectoire, et dans la structure du tunnel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun voyant d'alerte qui s'allume. Encore une fois, un mystère de l'hyperespace. Quant à ce que vous pouvez voir, vous qui êtes au poste de pilotage, et à ceux qui sont au niveau des hublots, ce sont des motifs colorés qui commencent à apparaître et à se dessiner le long du tunnel hyperspatial. Ces motifs, donc déjà en termes effectivement de multicolores, deviennent des formes, des sortes d'arabesques, des formes chaotiques. Généralement, ben, y a des dessins, des images, des courbes plutôt agréables qui courent sur des dizaines et des dizaines de parsecs. Parfois même, vous avez l'impression d'y voir des lettres d'un alphabet étrange, des mots, peut-être des invitations, des demandes. Ce qui fait écho à Bart et à Belette, puisque vous, vous étiez déjà de braves pirates. Et vous savez que dans les superstitions pirates, dans ce qu'il se dit, c'est que quand on croise cette beauté de l'espace, qui s'appelle une arabesque énergétique, il est de bon ton de déchiffrer les messages qui s'y trouvent et d'y répondre pour ne pas s'attirer le mauvais œil et la malchance. Donc pour les plus superstitieux d'entre vous, parce que peut-être que en ce qui concerne Neve et Harold, ils sont peut-être pas encore au fait de toutes les superstitions pirates, mais en tout cas vous et Bart, toi qui es encore un peu plus âgé peut-être, c'est quelque chose qui vous touche, puisque les pirates, une grande partie, sont assez superstitieux. Voilà, il y a ce côté-là, le bon œil et le mauvais œil. Une des superstitions pirates dit que si vous voyez un message dans une arabesque, c'est un appel. Si vous voyez l'image d'un paysage ou quelque chose, c'est un appel vers aller découvrir ce paysage, aller rechercher cette planète, aller traduire ces messages, en fait. C'est souvent ce qu'on dit. Bon, faire ça, hein. Moi, oui, je pense que je suis assez superstitieux. Enfin, je crois à toutes ces légendes et tout ça, et ainsi de suite. Hein. Surtout qu'on a déjà vécu des choses avec Belette assez chelou, hein. Donc, clairement. Aussi. Donc, je vais. Et à la rigueur, si jamais ça intrigue Harold et Neve qu'on fasse ça, je vais leur expliquer, je vais leur raconter, en fait. Hein, La légende, la superstition liée à tout ça. Et à d'autres de l'équipage, hein, s'ils le souhaitent, évidemment. Ouais, tout le monde va être très absorbé et très intéressé par ce que tu dis. Déjà parce que la plupart des personnes ont bien évidemment l'envie d'être des pirates. Et quand tu leur parles des arabesques, effectivement, qui se font voir dans les tunnels hyperspatiaux, certains, suite à tes mots, semblent y voir les messages d'entités intelligentes de l'hyperespace qui communiquent avec les humains. Et comme le disent les légendes, parfois on peut lire des messages. Et c'est un appel, effectivement, à répondre, à aller vers l'au-delà, vers l'exploration, vers toujours plus de liberté. D'ailleurs, Belette. Quand il est en train de raconter son truc, peut-être tu peux te foutre un peu de sa gueule si tu crois pas trop ou quoi, peu importe. Hein, je sais pas comment est ton personnage par rapport à ses superstitions et ses légendes pirates. Si, moi j'y suis sensible. Et tout, et encore plus depuis que ce qui nous est arrivé avec l'ancien équipage. Ouais. Écoute, dans ces arabesques, quand tu les observes, t'as l'impression. T'as vraiment cette impression très particulière et très distincte de voir le visage, un visage humanoïde, visiblement celui d'un mutant, à la peau bleutée, il me semble, un visage assez jeune, et en fait d'un seul coup, comme une espèce de flash, comme ça tu le vois passer quelques fois, et c'est presque comme si tu le vois en fait sa bouche, il a les yeux fermés, il murmure quelque chose, et c'est presque comme si tu entendais le son de sa voix qui disait... Il faut des sauveurs, il faut absolument que je les trouve, et c'est presque, t'entends ça de manière un peu diffuse, alors tu sais pas si t'as vraiment entendu sa voix ou si tu l'as imaginé, ouais. Mais d'un seul coup il y a ça qui te passe et ça te marque vraiment, qui fait que si un jour tu étais amené à croiser ce mutant s'il existe, tu le reconnaîtrais instantanément. D'accord. Ok. Bah, en tout cas je vais en référer à mon capitaine, hein. Forcément, de ce que j'ai vu et a priori entendu ou deviné. Voilà, comme ça il sera au courant et on sera deux à vraiment le savoir si de besoin. Allez, super. Bon, c'était sûr qu'il n'y a pas un truc, une bouteille de rhum qui est apparue, un truc comme ça, non, c'est sûr. Ah ben toi, dans chaque étoile brille une bouteille de rhum. Ah ouais, d'accord. Mmh. Capitaine, voilà. J'ai vu une bouteille de rhum. C'est un signe. On est au dernier jour, là. On est au dernier jour. Je me penchais vers Harold, je pensais pas que le manque ira aussi vite avec lui. C'est ça avec toutes les addictions, Capitaine. Hein. C'est pour ça que moi, j'ai pas trop envie de faire comme vous, de boire tout le temps. Enfin, voilà. Comment ça, comme moi? Tous, quoi. Les pirates. Ah. Mais le rhum, c'est aussi, le sang du pirate. Voyons donc. Pour alimenter ton observation, Belette, est-ce que tu auras pu transmettre, donc si vous voulez, vous en faites ce que vous voulez, donc un jeune mutant à la peau bleue. Voilà. Avec des vêtements rapiécés, hein, presque plus des haillons que des vêtements. Comme c'était surtout son visage et le haut de son corps, t'as vu qu'au niveau de son cou, autour de son cou, il y avait comme des sortes de cicatrices et qu'il avait autour du cou aussi quelques colifichets et des espèces d'étranges colliers. Vu son allure, plus quelqu'un des Barents dans l'idée, que quelqu'un d'une nation stellaire. Il avait une boucle d'oreille aussi, un anneau à son oreille droite, et son sourcil droit était coupé d'une cicatrice, et il a des cheveux couleur sombre, une espèce de bleu noir, un petit peu tressé. D'accord. Ok, donc ce visage est gravé dans ma tête. Ouais. Et le capitaine est en train de le noter. Oui, j'ai vu ça. Anno a son sourcil droit, cheveux sombres. Comment ça, tu le vois? C'est sur ma fiche de perso. Mais arrêtez d'utiliser ma fiche de perso comme. Non, je te vois noter. Parce que je suis en train de te. En fait, j'imagine au niveau gameplay, enfin au niveau roleplay, je suis en face de toi en train de t'expliquer ce que j'ai vu. Et toi, bah, forcément, tu prends des notes. T'es devant moi. Donc tu prends des notes et je le vois, je te vois Bart le Noir, oui. Tu vois, c'est pas Olshad que je vois, bien évidemment. Un jeune mutant à la peau bleue, habillé de vêtements rapiécés, anneau sourcil droit, cheveux sombres. Et je crois que tu avais encore donné un détail. D'oreille. Ouais, oreille. Cicatrice au niveau du cou. Base du coup quelques cicatrices. Ouais. Donc qui font penser, Belette, toi, tu sais bien que en termes, enfin, vous avez tous croisé des esclaves. Oui, donc, oui. Voilà. Oui, au niveau du cou, tout ça, et en gros, il cache un peu ses cicatrices avec ses colifichets et tout le tralala, quoi. Yes. Voilà. Ok, c'est noté. Allez, super. Alors, l'action de la journée, Harold, et du coup, Nev, tu vas pouvoir, si tu as envie, faire de la dérivation d'énergie. Est-ce que tu veux surfer sur la vague, Harold, pour aller toujours plus vite? Mais bien évidemment qu'on va surfer sur la vague. Alors, Nev, est-ce que tu veux dériver de l'énergie? Et tu la prends d'où pour la mettre où? Non, peut-être pas. Alors, non, je prends pas de risque au moment. Bon, allez. On garde au moment. Alors, surf. De toute façon, on a. Et je surf. On est l'élite parmi nous. Voilà. L'élite, regarde. Il a pas besoin de ça. Il a pas besoin de ça. 5 réussites. Le meilleur pilote de la galaxie. De la galaxie. Eh oui, c'est ça. Ah, bah, on fait ce qu'on peut, Capitaine. Hein. Voilà, on l'a. Allez. Tu vois. Pas besoin d'un faucon Millennium, nous on fait ça avec un truc tout nul, ça marche pareil. Mais de quoi parle Belette? Dragonfly. J'ai l'impression que le manque de rhum. C'est le rhum, le manque, capitaine, le manque. Vous voyez, ça me fait dire des conneries. Oui, la prochaine fois tu éviteras de boire pendant ton quart. Comme ça t'évitera d'être privé. En manque. Parce qu'il est fan du petit comics. Ah oui, qui est sorti il y a très peu. Voilà. Il y a peu, ouais. Star. Ouais. Ouais. Non, mais bon. War Star, c'est un truc c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Ouais. Belette, si un jour il y en a un enfant, il l'appelle Bacardi. Hein, Il va l'appeler Bailey, son enfant, là. Allez. Encore une fois, on recommence pour le tour suivant. Allez, votre carte se passe très bien, vous êtes au repos, c'est au suivant. Allez. 2D. 8. Et 11. 8. Et 11. Alors, ça, c'est moins cool. Ah, mais non! Forcément! Ah, il faut bien un peu. Alors, bah écoute, la journée s'écoule comme un long fleuve tranquille. Vous êtes en train, vous, de vous reposer. D'un seul coup, y a quelqu'un qui déboule à la cambuse, où vous êtes peut-être tous les quatre en train de blaguer, d'échanger peut-être sur ce que vous allez faire à Havana, etc., en plein repos. Y a un message, non pas quelqu'un qui déboule, mais dans l'intercom. Capitaine, il faut que vous veniez voir tout de suite, il y a un problème avec le nav-ordinateur. Ah bah, j'y vais tout de suite. Nev, viens avec moi. Oui, capitaine. Eh bien, on va voir ça. Hein. Visiblement, le nav ordinateur du vaisseau n'affiche plus rien et les instruments sont éteints. Donc, le gars qui est au poste de pilotage, il est là parce qu'il suit le tunnel. Ouais. Mais comme le tunnel se crée petit à petit, en fait, pour tenir la route et aller au bon endroit, voilà. Tu vois? Le problème, c'est ça. Il a plus d'instrument, en gros. Il a plus d'instrument. C'est ça. Il a plus rien. Donc, est-ce que vous continuez à aller dans la bonne direction ou pas? Ah bah. Nev, utilise tes doigts magiques. Allez, allez. Est-ce que je peux l'aider, là, vu que je suis à côté La motivation. Avec un petit commandement. Légendaire. C'est ça. Alors, ce qui va se faire. C'est que ou peut-être aider le pilote. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que le pilote, lui, il bouge pas, il va essayer de maintenir son truc. Mmh. Et donc, Nev, bon, comme t'as 2 jours de repos, ça va, tu vas pouvoir te reposer. Mais là, tu vas pas te reposer, parce que passer ta journée en fait à tenter de réparer effectivement le poste de pilotage. Et pour ça, on va faire dégager la vigie. Donc la vigie va se barrer. Toi, tu vas monter à la place de la vigie, tu te contorsionnes un petit peu, tu fais sauter quelques caches métalliques pour avoir accès effectivement à tous les systèmes. Et tu as passé un bon moment à justement réparer tout ça. Donc c'est un test d'ingé. Toi d'en bas, Bart, oui, tu peux quand même encourager ou rassurer le pilote. Ouais. Ce qui, même si ça ne lui donne pas de gros bonus, ça sera quand même mieux que de le laisser en stress à se dire « Putain, où est-ce que je suis en train d'aller ?» Ouais, ouais, clairement, voilà. Je ne vais pas rappeler Harold, je vais garder celui-là et je vais le rassurer. Ok. Avec mon commandement. Ses commandements, du coup, ouais, tout à fait. Succès, très bien. Ça va l'aider à le maintenir. Et un test d'ingé pour toi, Nev. Donc, c'est difficulté 2. Ouf, oh non, mais voilà, hein, 8 succès sur 9D. Hein. C'est, voilà, c'est quoi. Un plomb qui avait sauté. Il faut juste changer le. Hop. Un bout de scotch, voilà. Chewing-gum. Du chewing-gum pour, pour refaire le truc. Eh ben écoute, tu profites tranquillement de la fin de la journée pour lancer le redémarrage du nav-ordinateur. Et à la fin de la journée, après tes différentes manipulations, tes différentes connexions, ça s'allume. Et là, c'est un peu la question, est-ce que le fait d'avoir fait le reboot avec les réparations, ça a conservé toutes les données contenues à l'intérieur de celui-ci? La réponse est oui. Donc les coordonnées que vous avez enregistrées dans votre nav ordinateur n'ont pas été effacées. Bon, t'as pas enregistré Havana, bien évidemment, ça s'enregistre pas. Mais voilà, si les différentes stations, les trucs qui vous permettent de plus facilement retourner à des endroits déjà visités, vous n'aurez plus à faire autant de tests complexes. Oh, donc c'est resté bien comme il faut. Très bien. Tant mieux, comme ça permet à Harold de continuer à se reposer. Franchement, c'est un voyage plutôt tranquille en vrai. Hein. C'est facile d'aller à Havana. Ouais, vous ne nous voyez pas de la journée, mais bon, tu te dis ça. Ouais, j'ai passé la journée dans la vigie. Mais donc bon. c'est facile. Donc on a dit trou noir. Ouais, voilà, c'est Voilà, jusqu'à présent. Non, mais c'est juste pour Belette. C'est un mini trou noir à côté de sa bouteille de rhum et hop, oui, elle a aspiré. Oui, en vrai, pour moi, c'est compliqué parce que tu vois, j'ai de la transpiration qui coule comme ça à cause du manque. D'ailleurs, on les a fait les 3 jours là. Oui, vous pouvez faire, si vous le souhaitez, un test de. Même si vous ne le savez pas, vous me faites un test de détermination pour gérer effectivement les temps de voyage, parce que vous avez quand même enchaîné assez rapidement. Et un peu le mal de l'espace qui se fait sentir. Détermination. Ouais. S'il vous plaît. Je suis à 3 succès. C'est dans sang-froid. 4 succès. Très bien. 3 succès, c'est bon. Belette, l'homme déterminé. Bah alors, on tire très bien le manque de rhum. Vous vivez non, plutôt bien ce premier voyage. On y arrive au jour où je peux boire. Donc pour ça, je suis. Vous vivez assez bien ce premier voyage et le fait que vous soyez dans des dispositions agréables, de bonne humeur, ça permet aussi d'emporter le reste de l'équipage. Et même ceux qui auraient pu avoir plus de fébrilité psychologique à gérer effectivement ce premier gros voyage, parce que c'est quand même une aventure en soi assez qui peut se révéler assez mortelle. Mais en fait, tout le monde le vit relativement bien. Vous faites un premier voyage avec vraiment une bonne ambiance. Il n'y a personne qui pète un plomb, qui va s'enfermer, qui commence à se scarifier et à graver des messages bizarres sur les murs du vaisseau. Tout va bien dans les couloirs. Donc c'est tant mieux, hein. Tant mieux, on va pas se mentir, hein. On va éviter, hein. Il doit vous rester 1, 2, 3, 4. Il doit vous rester 4-5 jours de voyage en fonction du prochain tour, effectivement, d'Harold, si vous faire gagner une journée supplémentaire. Mais pour l'instant, l'écart change. C'est votre deuxième jour de repos, le premier et unique jour pour Neve. Qu'est-ce que ça signifie en termes de règles, vu que tu peux prendre ton jour à te reposer vraiment complètement? Si tu le fais comme ça, si on n'a pas besoin de toi, ben, strictement aucun effet. Si tu ne peux pas te reposer aujourd'hui, tu seras fatigué quand tu reprendras ton tour. Donc ça veut dire que tu feras tes tests. Mmh. Là, tu vas être vraiment bien fatigué. Tu feras tous tes tests, seront t'aider pour la peine. Compliqué, quoi. C'est plus dur. Bah, ouais. On va voir si tu peux te reposer. J'espère qu'il ne se passera rien. Allez, je vous invite, le suivant, à faire encore une fois 2D6, 2D6. Pour gérer les derniers périls de votre voyage. Ouais. Tu vas être responsable voilà. De ta propre fatigue. Est-ce que je vais pouvoir dormir, hein? Alors, 10 et 9. 10 et 9. Nine. Eh bien, écoutez, ce n'est pas vous qui êtes aux commandes. Alors, je vais vous demander à ce que quelqu'un fasse un merveilleux test avec 4d6 pour les senseurs. Ah bah c'est moi qui est normalement, non? Donc quelque part, je me dis... Bah vas-y, fais-le. Donc 4d6, tu m'as dit, hein? Yes. Lancer générique. Let's go. Bah, c'est terriblement aucun succès. Terriblement aucun succès. Non mais c'est... Faut qu'on arrête de les aveugles au censeur. Bah, c'est pas moi qui y suis pour l'instant. J'ai fait le jet, mais c'est pas moi. Allez, je vais vous redemander à ce que deux personnes différentes, pareil, vous me faites 4D, 4D6, 4D6 par deux personnes différentes, donc peut-être Harold et Neve, si Bart. Tu veux bien. Ah, ou Bart. Allez, pardon. Let's go. Non, Bart, Neve, à ce moment. Ok. Ah, c'est mieux déjà. Alors, 3 succès pour Harold, très bien. 4 succès. Et 4 succès, ça fait 3. Très bien. Et ben, c'est parfait. C'est parfait parce qu'au moins comme ça vous n'allez pas imploser. Vous reposez. Aïe. Hop, tu peux noter que le vaisseau il a pris 10 L au total, mais ça fait pas passer rien en dessous, donc c'est pour ça que c'est bien. Sinon c'est un peu. 10 L au total, hein. Total, t'en reprends 5 de plus. Alors que vous êtes en train d'avancer, d'un seul coup vous entendez la tourelle qui fait vibrer et qui se met à péter, alors que vous entendez des sifflements et des choses qui tamponnent, qui se fracassent contre le vaisseau. Puisque vous avez une nouvelle fois frôlé et subi des chocs avec des débris dans le tunnel. Ah oh, mince. Ah. Décidément. Bon. Ils arrêtent de jeter n'importe quoi dans l'espace. Ouais, hein. ouais, non, mais... Il faut... Non, mais je pense qu'il faudrait mettre des panneaux, ne pas jeter vos déchets par... par le hublot de dans l'hyperespace. Quant à ce qui concerne l'équipe, l'équipe en quart, elle tente rien de plus parce qu'elle est concentrée sur déjà ce qu'elle fait pour pas que ça pète. Elle a peur qu'il se passe, ça se passe plus mal, donc elle maintient le truc. Et donc, ouais, c'est nous. À vous, une fois de plus, pour une nouvelle journée. Donc, Nef, t'es totalement reposé, bien évidemment. T'avais rien de plus à faire. Bon, bah, c'est... Donc, tu prends la suite pour le péril. Harold, c'est à toi. Ouais, on reste sur le... Le même cycle. Ok. Ouais. 10. 10. Et 5. Je trouve que 10, ça pue à chaque fois. Hein. Ouais. Ouais. 10, on est dans les phénomènes astrophysiques malheureux. Oh là là, ouais, voilà. Faut pas faire les 10. Alors, nous en sommes... ici. Hop. C'est là que nous on est aux commandes là. Ouais. C'est nous qui c'est notre car là. Oui. Okay. Donc Belette, l'ascenseur. Ouais. Peut faire un test de senseur. Alors cette fois-ci, soyons meilleurs au senseur hein, parce que bon, c'était pas ouf, mais c'était pas moi en vrai, donc c'est normal hein, quelque part. Ouais. Voilà, quand c'est moi, c'est un peu mieux déjà, tu vois. Tout de suite, on Allez. Sent la différence, tu vois. Ah bah écoute, l'ascenseur repère grâce à toi, à tes scans, de puissantes manifestations énergétiques. Qui viennent de derrière vous, au niveau du tunnel, et qui sont en train de remonter le tunnel à grande vitesse, de manière chaotique, en provoquant des explosions énergétiques. Visiblement, ce sont des décharges énergétiques. Ça arrive de temps en temps, ça va secouer. On en a déjà eu, ça. Je me souviens, on a déjà eu affaire à ce genre de phénomène. Donc, je préviens le capitaine, et évidemment, Harold, hein, qui est aux manettes. On va s'approcher. Il y a de l'énergie qui arrive au cul. Faut se préparer, ça va secouer. Comme à tout l'équipage, accrochez-vous. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que pendant ce quart-là, pendant votre moment, en tout cas une grande période, vous allez avoir des espèces de boules de feu hyperspatiales qui vont péter tout autour, donc en laissant des traînées dorées, en fait, qui vont remonter le tunnel beaucoup plus vite que vous, avec énormément de pulsations plus ou moins inquiétantes. Donc votre vitesse va augmenter, puisque de toute façon ça va vous emporter, mais chaque décharge qui vous frôle arrache parfois quelques petites plaques de blindage et les désintègre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas particulièrement dangereux en soi, parce que avec Harold, qui est un super pilote et qui est relativement précautionneux, il va pouvoir justement éviter comme ça les décharges un peu imposantes, et donc limiter, de faire en sorte qu'il n'y ait aucun dégât sur le vaisseau. S'il le souhaite, parce que c'est quand même, au-delà d'être un pilote précautionneux, c'est quand même un pilote de talent. Donc comme c'est un pilote de talent, il a le choix de pouvoir surfer sur la vague au milieu des boules de feu énergétiques. Oh là là. Alors, de toute façon, il faudrait faire un échec, voilà. Mais bon, pour chaque échec, donc il prend un S au niveau du vaisseau. Comme le péril est détecté, parce que vous le connaissiez déjà, etc., en l'occurrence, donc par rapport à ses dés, il bénéficie de TF pour surfer sur la vague. Ah. C'est facile. Oh bah vas-y, hein. Eh, surf. Hein. Vas-y. Ouais. Hein. Donc c'est TF. Faites confiance. Hein. Voilà. Et mais chaque dé qui fait un échec, ça provoquera un dégât superficiel, un S au vaisseau. En sachant que ça va, parce que c'est une zone, une ligne qui n'a pas encore été couverte. Donc il faudrait que tu prennes 10 dégâts superficiels pour prendre un léger de plus et passer le vaisseau en grave, auquel cas là vous êtes foutu. Mais normalement ça va pas se faire. Bah non, okay. Il va rien se passer. Hein. Vous inquiétez pas. Vous me faites confiance. Mais oui. Mais oui. En même temps. On met la musique des Beach Boys et puis Surfing USA. Voilà, exactement. Voilà, on regarde. Hein. Alors. Confiance. Bien sûr qu'on avait confiance. Donc, ça fait 700 par sec. Ça fait que tu gagnes presque une journée. C'est ça. Tu gagnes presque une journée, ça fait que vous arrivez là. Donc si je dis pas de bêtises, c'est ça. Le lendemain, il vous reste encore un jour de voyage pour arriver à Havana. Le rhum d'Havana. Mais il reste un jour. Oui, mais on a été plus vite que prévu grâce à tout ça. Ouais. Donc c'est vous reposez. Un dernier test de péril, s'il vous plaît. Ah bah c'est vous allez être et comme Après, ça va être l'entrée dans le système Havana, même si ce n'est pas à vous de reprendre le car, si vous voulez, pour rentrer dans le système, vu que vous aurez votre jour de repos, vous pourrez reprendre effectivement le car. Oh bah oui. Oh, bah, oui. C'est l'usine Violette. De Rome a été détruite. Non. Alors déjà c'est pas machin, c'est déjà bien. Et 7. Ben voilà, c'est très bien ça aussi. Un 10. Ouais, ben 8. Bien les pannes. C'est une panne. Ah. Ben, merci. Nev. Ouais, ça va. C'est tranquille une panne. Belette, il a une panne. Ah oui, j'ai une panne de bouteille. Il n'y a plus de carburant. Oui, de bouteille. Et ben, en effet, une fois de plus, Bart, t'es sorti de ton jour de repos parce qu'il y a un souci, il y a une panne avec les contrôles, c'est-à-dire que visiblement le gouvernail ne répond plus. Ah, ça c'est bien. malheureusement, je vais devoir aller chercher Nev, voilà. Là. L'hyperpropulsion, ça va. Tout le reste, ce qui se passe, par contre, c'est qu'il faut réparer les contrôles, tout simplement, ce n'est pas des contrôles du vaisseau. Ouais. Donc ça va prendre encore une fois la journée à Nev, ce qui fait que Nev, si demain tu seras fatigué, si t'es aux commandes, parce que tu restes d'y être vu que t'es arrivé. Et c'est un test d'ingé, s'il te plaît, pour réparer ça, et ça va te prendre la journée afin qu'à la fin de la journée, les contrôles reviennent. Parfait, largement parfait. Donc pendant la journée, de la même manière, j'imagine que Bart, toi, tu seras fatigué aussi parce que t'as encouragé le pilote qui était un peu en stress. Il n'y a plus rien qui répondait. Ouais. Voilà, donc pas besoin de, si tu veux faire un test, mais c'est pas nécessaire sinon. Tu retiens ce que tu avais fait derrière. L'idée, c'est pendant cette journée-là, pendant que tu répares les contrôles, puisque le gouvernail n'y répond pas, il y a juste des petits mouvements au niveau des manettes pour en fait tenter d'utiliser les courants. C'est-à-dire que même s'il n'avait pas envie de surfer sur la vague, en fait, il est obligé d'une certaine manière de tenter le truc pour ne pas trop dévier de votre trajectoire. Mmh. Voilà. Mmh. Donc comme ça se passe bien à la fin de la journée, hop, vous y êtes et... Nous pouvons vous mettre avec un double ici. Ça y est, nous sommes arrivés. On va sortir de l'hyperespace déjà. Exactement. Tellement hâte. Ouais. Donc après ce repos pour certains, mais pas pour tous, malheureusement, vous revenez... aux commandes du Dragonfly pour pouvoir assister à la sortie de l'hyperespace au niveau d'Havana, si je ne me trompe pas. C'est ça. Est-ce que c'est bien ça, messieurs? Oui. C'est notre destination, hein. À part si on s'est trompé de ah non, direction. Bah non. Ah ben, non, là, quoi, je nous emmenais à Sol Prime. Hein. Sol Prime, ouais, super. C'était pas là. Ah mince, la boulette. Mince. La boulette. C'est gênant. Bah, oui, j'avoue. Allez hop. Eh ben écoutez, vous êtes peut-être rivés pour ceux qui peuvent sur la grande verrière du poste de pilotage. Comme ça, c'est. Quant aux autres, il y en a qui se sont calés effectivement, même s'ils devaient se reposer au petit hublot pour essayer de voir un truc. Et alors que vous sentez au fond de vous une certaine excitation monter, le tunnel hyperspatial disparaît dans une merveilleuse explosion de lumière et vous réintégrez l'espace normal. Au loin, brille un soleil à la lueur douce mais chaleureuse. Vous voyez une demi-douzaine de planètes qui flottent autour de l'astre. Des planètes aux couleurs vives et pourtant douces, des bleus azur, des verts, des turquoises, des jaunes, un peu pastels. Et sans savoir si cela vient des couleurs ou de la façon indolente dont les planètes orbitent, vous vous sentez heureux et surtout libre. Bienvenue au système d'Havana, face à son soleil, à son étoile, Ligero, que vous connaissez bien, Bart et Belette. Il va maintenant falloir faire le point. Donc Havana, vous savez bien, c'est la troisième en partant du soleil. Donc vous allez tranquillement faire vos petits calculs pour voyager en fonction effectivement des différents cycles des planètes. Peut-être que maintenant que vous êtes arrivé, vous entendez quelques cris de joie à l'intérieur du vaisseau qui résonnent au niveau de la cambuse. Les gens Surtout n'ont moi. Pas attendu Belette pour trinquer. Vous êtes On là. On n'attend pas Belette. Tout le monde attend les ordres du capitaine. Eh ben, destination Havana. Prêt pour l'amérissage. Allez. Allez. C'est On parti, est prêt. Hein. Ouf, allez. Bon, je vous attends pas, Belette. Hein. Allez. Oh, bah non. Eh bien, écoutez, pour rejoindre depuis la limite de saut la planète d'Havana, il va vous falloir encore quelques jours en voyage interplanétaire, cette fois, où vous allez pouvoir effectivement profiter tranquillement de votre arrivée avec. Des couleurs pirates. Alors, autant vous dire que le système, effectivement, est patrouillé par quelques corvettes pirates. Vous allez en croiser, vous allez croiser une patrouille. Une patrouille, mais en vous annonçant tranquillement, ils vous souhaiteront la bienvenue. Mmh. Et c'est à peu près les seules interactions que vous aurez avant d'arriver vers Havana. Vous allez pouvoir voir aussi la plastre de Libertad. Donc vous la voyez un petit peu au loin, hein. Donc entre ces deux satellites naturels, c'est un gigantesque globe bleu et vert. Visiblement, il y a l'air d'avoir de gigantesques jungles dont la végétation n'est interrompue que par quelques terribles volcans. Quelques vaisseaux qui croisent en orbite, puisque Libertad est aussi dotée d'un astroport. Cependant, ce n'est pas là que vous voulez vous arrêter, c'est sur la suivante, bien évidemment. Vous avez enfin en vue Havana, la merveilleuse ville verte et turquoise. Donc vous devinez déjà les plages de sable blanc, Belette s'encouler au fond de sa gorge, le rhum havané. Pour l'instant, vous devez surtout vous glisser entre les vaisseaux pirates qui croisent à proximité du vôtre et ne pas oublier d'entrer en contact avec la célèbre capitainerie d'Havana. Puisque même si nous sommes chez les pirates, nous ne sommes pas non plus... chez les pillards, donc on s'annonce, on fait preuve de bonne mesure. Évidemment. Donc la planète pirate, refuge des boucaniers, ça va être le moment pour vous d'enfin la découvrir. Vous commencez à descendre. Alors, qu'est-ce que vous faites? Bon, on va contacter la capitainerie hein, pour s'annoncer. Hein. Très bien. Donc... tu fais ton annonce, est-ce que tu as des choses particulières à annoncer, à dire, est-ce que tu te souviens des éléments à partager? Bah que Marc Sten chez notre copain, si je ne m'abuse. Ouais. Après j'ai rien noté d'autre, donc j'avoue que... Alors pour ça, pour quand on arrive quelque part, petit rappel, donc le nom du capitaine, le code d'identification de votre vaisseau, s'il y a des marchandises à vendre ou pas, simplement. Alors et c'est à peu près tout, puisqu'après on te dira s'il y aura une visite ou pas pour faire des vérifications d'usage. Mais toujours, hashtag capitaine, rien, c'est nom du capitaine, code d'identification, enfin en gros d'où tu viens, pourquoi tu viens ici, et c'était des marchandises à vendre. Tout simplement. Tu nous as pas donné d'identification, donc... Ouais, le code d'identification de ton vaisseau, si tu en veux un qui soit fonctionnel et qui marche, je vais te le donner de suite. Je veux bien, ouais, tant qu'à faire. Donc, OCG, ça commence par un O. Hop, deux petites secondes. Hop, on est là. Alors, parce que je me suis amusé avec les codes d'identification... Donc, ton code d'identification, c'est O004. 004. CGBC. CGBC. 02087. 087. Voilà. Donc, O004, CGBC, 02087. Ok, c'est bon. Ah, donc ouais, j'ai contacté la capitainerie. Hein, donc ici le capitaine Barce le Noir. Code d'identification O004 TGBC 02087. Nous n'avons pas de marchandises à vendre et nous venons pour la première fois à Havana afin de déclarer officiellement notre équipage comme pirate. Et nous avons comme parrain le capitaine Marcus Tench. Et ici capitaine Reed Havana. Bienvenue à vous, capitaine Lenoir. Bien reçu. Écoutez, prenez un des pontons qui se trouve à l'ouest d'Havana City. Il y en a tout un tas de libres. De toute façon, je vous invite à vous rendre à la capitainerie derrière pour les formalités d'usage. Allez, à plus tard. Merci et bien. Bienvenue à Havana. Merci. Allez, les gars, encore des nouveaux. On va avoir droit à des initiations par ici. Et ça raccroche derrière. Monsieur Harold, cap sur un des pontons à l'ouest de Havana City. Bien reçu, Captain. Eh ben écoutez, vous descendez. Ça y est. Ça y est. Je sens le rhum du skissi. Bah, moi aussi, mais je crois que c'est ton haleine, hein. Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas bu. Vous m'avez interdit de picoler. Pourtant, l'odeur est persistante, hein. Bon. Hop, est-ce que j'ai quelque chose pour vous? Hop, voilà, c'est pas grave. Bah écoutez, ce que vous, quand vous descendez en direction d'Havana, vous avez le plaisir, effectivement, de croiser avec une planète aux œufs translucides, turquoise. C'est réellement magnifique en arrivant. Et vous observez Havana City, aussi appelé simplement Havana ou bien le port, donc qui est constitué d'une grande avenue principale avec tout un tas de bâtiments aux façades colorées et aux architectures qui font penser un petit peu aux architectures un petit peu havanaises, cubaines, comme on peut en trouver nous sur notre bonne vieille terre. Et d'autres styles parfois un peu décousus en fonction effectivement des coques et des bicoques qui s'y sont installés et des origines des personnes présentes. Vous avez de grandes jungles qui s'étendent. Vous voyez d'ailleurs en arrivant qu'il y a des villages, des populations qui vivent aussi dans la jungle. Il y a la population locale avec les Havanais du coin. Et vous reconnaissez Bart et Belette, puisque vous étiez déjà venu bien évidemment quelques fois sur Havana. Vous reconnaissez non loin de Havana City une île qui semble encore plus paradisiaque et préservée. L'île des Anciens, qui est en fait une île où les vieux pirates prennent leur retraite sur des plages de sable fin et des lagons d'eau bleue turquoise où ils vont vivre leurs derniers jours désarmés, tranquilles, à l'abri de la violence du monde. Quant à vous, bah écoutez, quelques temps après, oui. Non, mais en voyant cette île, je pense que j'aurais une pensée pour notre ancien capitaine. Bartholomew, voilà, et je, une petite chanson en fin de compte en son honneur en fait, parce que ben, il n'aura pas eu droit à ça lui malheureusement. Eh oui. Donc vous descendez, vous arrivez donc sur l'une des grandes masses continentales. Hein. Donc il y a deux grands pôles avec des archipels et vous allez tout simplement amerrir tranquillement. Dans les mers d'un bleu turquoise, quasiment une couleur égale sur toute la planète, afin hop, de vous approcher d'un des pontons d'Havana. Capitaine à équipage, nous sommes arrivés à bon port. Félicitations à tous. Vous pouvez poser enfin les yeux sur le joyau qui est Havana. Enfin. Ah. Enfin. Chez nous. Eh oui. Ça fait du bien de rentrer, n'est-ce pas, Belette? Oh oui. Ah là là. On va pouvoir fêter ça comme il se doit. Bah écoutez, tout le monde a l'air particulièrement je sais pas, c'est entre le silence et l'excitation. Mais il y a comme un moment presque sacralisé qui s'est installé, alors que les derniers instants où vous étiez en train de flotter, mené par Harold pour accoster, il y a vraiment voilà, une espèce de grand silence qui a été pris et plein de vibrations à l'intérieur du vaisseau. Vous sentiez l'excitation et la joie de tous les matelots et toutes ces personnes qui vous ont rejointes à travers vos aventures pour devenir pirate avec vous. Et vous entendez finalement les petits clics, clacs et bruits caractéristiques du fait que vous êtes bien accosté et bien harnaché. Ok, en tout cas bien à côté. Harold a mis les derniers arrêts pour stabiliser votre basique. La dernière chose qu'il vous restera à faire sera bien évidemment de vous rendre à l'entrée de votre vaisseau au niveau du SAS et de rejoindre le ponton et la terre ferme. C'est ce que je vais faire. Du coup. Pardon, à toi l'honneur. Je vais mettre mon bras sur l'épaule de Neve et la tirer genre de façon assez virile en gros avec moi. Et j'ai Neve, bienvenue chez toi. Et là j'ouvre donc le sas, je la sors dehors et fais respire l'air de la maison. Havana. Je vais suivre avec un sourire et une fois à l'extérieur, hein, je vais sortir un cigare et je vais l'allumer en fait, hein, profitant de cet instant, des rayons de soleil qui vont réchauffer ma peau et me diriger vers la cafétéria, hein, ensuite. Vas-y, pardon, j'ai coupé. Moi de mon côté, je me dis doucement, yes, c'est pas moi qui fais ça, super. Et j'embarque mon petit livre dans mon sac, j'avais posé sur le tableau de bord, et je m'empresse de suivre le petit groupe. Bah écoute, vous êtes à l'extérieur, à l'air libre, comme qui dirait, et je sais pas, qu'est-ce qu'il y a la direction plupart des gens... Luron. La capitainerie, normalement, Belette, avant. Le capitaine s'en charge et moi je pars avec Neve sous le bras et on y va. Bah, Harold, tu m'accompagnes à la capitainerie? Je vous accueille en panne, capitaine. Allez, allons-y. Ben, donc Harold, je vais à la capitainerie, les autres. Voilà. Bah moi, à la capitainerie aussi, hein, du coup. Hein, Et ouais. je vais repérer où, dans quel troquet va Belette. Hein. Bon, après, je pense qu'on a notre petit coin à nous où on a dû aller plusieurs fois avec le capitaine de l'époque. Donc, je vais aller dans celui-ci. Hein, c'est un petit peu celui où on allait à chaque fois, quoi. Donc, tu sais où je vais, en fait. Tu connais déjà. De toute façon, il y a deux bâtiments qui sont les bâtiments les plus imposants d'Havana. C'est la capitainerie. La capitainerie que vous voyez, je pense, sur... si je vous l'ai mis une deuxième image. Et donc la capitainerie, c'est le bâtiment avec l'énorme antenne. Ouais. Voilà. Donc l'antenne radio, bien évidemment. Il y a les tourelles de défense. Et le bâtiment d'où est pris la prise de vue, je dirais, puisqu'elle est au bout, tout au bout de l'allée principale. C'est le deuxième plus grand bâtiment, c'est bien évidemment la Romerie. Donc sur la rue principale, hein, donc impossible de la manquer. Tout le monde sait où la Romerie se trouve, hein, c'est une énorme bâtisse qui tient sur deux étages avec de nombreuses salles. Bien évidemment, c'est là que s'est rendu Belette directement. Voilà. Neve a goûté. Avec Neve qui n'a pas eu le choix. À la vraie vie, au breuvage de l'éternité. Bah, elle a déjà goûté du rhum Havana. Oui, mais à Havana. C'est nous, quoi. C'est pas... Il n'a pas le même goût quand tu bois à Havana, tu vois. Ah, bah. Ah oui. Tes saveurs sont décuplées. Ah bah bien sûr. Allez, bien, hein. Capitainerie, on commence par là. Allez. Allez, eh ben écoutez, vous vous trouvez tous deux face à un auguste bâtiment de 2 étages. Donc vous, comme vous le voyez, donc surmonté d'un radar et il y a d'imposantes antennes ainsi qu'une tourelle blaster. Donc même si le lieu a l'air plus ou moins décrépit, puisque l'ensemble d'Havana, hein, c'est un niveau technologique que vous pouvez estimer comme relativement rustique. Il y a un système d'eau courante, évacuation des eaux usées. Mais tout le monde n'y est pas raccordé, puisque comme vous avez pu peut-être l'observer, vous voyez qu'il y a à la fois des bâtiments qui ont l'air assez solides et des bâtiments plus ou moins désorganisés, plus on va s'éloigner de l'allée principale, hein, de la rue principale, des bicoques. Mm-hmm. Donc c'est des cases sous-tol hein, qui ont été faites par les autochtones, ou bien par de nouveaux équipages pirates, ou des gens qui sont venus s'installer, en fait, des pirates en manque d'aventure ou en manque d'équipage, tout simplement, de vaisseaux. Donc les gens se sont installés, ont construit tout simplement leur petit lieu de paradis, à l'abri de tout. Donc sur l'illustration Havana City, la capitainerie, vous voyez, elle est sur la gauche, un énorme bâtiment sur la gauche. Hein. La Romerie, on la voit peut-être pas très loin en rouge, grand bâtiment, un peu rouge. Je pense que c'est le plus gros bâtiment, les deux plus gros bâtiments, de plus haut. Donc vous franchissez la double porte de bois doublée d'acier, qui vous permet de rentrer dans la capitainerie pour pénétrer dans une grande pièce, au centre de laquelle trône un énorme et large bureau. Et derrière ce bureau, eh bien, vous voyez plusieurs éléments effectivement électroniques avec quelques intercoms. Derrière, sur les étages en hauteur, au niveau des satellites, vous avez certainement le poste de commande avec les personnes qui vous ont répondu. Mais là, derrière ce bureau, il y a un vieux pirate de l'espace avec l'air peu commode, et sur le bureau il y a un ouvrage sacré entre tous, bien évidemment le registre de la capitainerie. Ah. Là où sont inscrits officiellement tous les équipages pirates, là où il faut venir s'enregistrer pour être officiellement un pirate. On va se diriger vers cet homme, hein. Attirer son attention en toussant un peu, s'il lève les yeux vers nous. Écoute, il a à côté de lui, à côté du registre, une bouteille de rhum d'Havana qui est déjà bien descendue. Mmh. Donc ce vieux pirate, bien évidemment, pour respecter les clichés, il a une belle jambe de métal et pas de bois. Il a une belle canne de métal qui lui est accroché juste au-dessus du genou gauche, hein, donc pour se déplacer, c'est pas foufou. Il a une espèce de short, de son, il a pas forcément de bottes, il doit être une espèce de sandalette sur son autre pied. Il a le teint de peau bien hâlé, et il a une espèce de gilet un petit peu ouvert, on peut voir, il a le torse couvert de quelques cicatrices, de brûlures, et bien évidemment, quelques colifichets. Et notamment le colifichet porte-bonheur le plus connu d'Havana et au niveau des pirates. C'est-à-dire, c'est l'as des étoiles, il me semble, l'as d'étoiles, c'est ça. Donc c'est un espèce de petit pendentif qui ressemble à une sorte d'étoile, comme une sorte d'étoile de David à 5 branches, là, une sorte de pentagramme, mais dans le bon sens, avec un petit A accroché en bas. Donc un médaillon. Il y a des petites croix aussi autour. Je vous mettrai une illustration plus tard. Donc c'est l'as d'étoiles. C'est un symbole pirate. C'est un symbole havanais aussi, hein, qui est utilisé très fréquemment et qui est censé apporter la bénédiction, la bonne fortune venue de l'espace et le voyage. Ça représente le voyage, l'infini. Donc c'est la chance, la bonne fortune tout simplement. Donc c'est très fréquent d'avoir des pirates, de vieux pirates qui portent ça ou qui se le tatouent même, d'avoir des gens qui s'offrent des cartes où il y a cette représentation-là avant que de partir en voyage, d'avoir des Havanais même qui le mettent sur la porte de leur maison, tout un tas de choses comme ça, puisque c'est un symbole de bonne fortune. D'accord. Voilà. Donc il y a ce vieux Havanais qui est là tranquillement avec ses quelques chicots en moins, il a une pipe dans la bouche. Il a de quoi prendre ses notes sur son vieux registre avec c'est un vieux registre à l'ancienne, hein, c'est vraiment très traditionnel et très symbolique avec un énorme encrier avec une grosse plume d'oie, d'oie ou d'autre chose, hein, une grosse plume de mouette, peu importe, voilà, une grosse plume. Et donc sa bouteille de rhum, ses cheveux bien gris-blanc pour ceux qui lui restent sur le crâne, hein, puisqu'il est en partie chauve. Et il a un air effectivement plus ou moins patibulaire, avec une gueule un petit peu cassée, une grosse mâchoire en avant. Il a l'espèce de front des boxeurs, là, avec toute l'arcade sourcilière bien avancée, comme il n'y a pas de suppression entre les deux yeux. Donc on voit qu'il a vécu, le gars, avec les yeux bien enfoncés à l'arrière du crâne. Et il lève effectivement vers vous un regard plutôt sombre, et en même temps amusé. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors, qui vois-je arriver ? Capitaine Barce le Noir. Je viens inscrire mon équipage. Ah, Barce le Noir, Barce le Noir. Oh ! Mais dis-moi, gamin, t'étais pas avec Bartholomew, toi, fut un temps. Là, je vais faire un peu pas un signe de croix, je fais oui. Malheureusement, capitaine Bartholomew nous a quittés. Ah, oui, j'ai cru comprendre ça. C'est vrai que ta petite bouille me disait quelque chose. Mmh. D'ailleurs, toi, à force de l'entendre et de regarder sa vieille trône, c'est vrai que à tes débuts de pirate, tu te souviens effectivement d'un pirate parmi d'autres, mais un qui t'avait marqué dans son allure. Ça doit être de toute façon, ça doit être lui, parce que t'as appris qu'il avait arrêté d'aller dans l'espace après avoir perdu une jambe. Et c'était un pirate du nom de Morgan Drake. Et il lui ressemble plus ou moins en tout point, beaucoup plus âgé. Moins costaud, on va dire, hein, parce qu'il a pris de l'âge. Là, le bonhomme en face de vous, il doit avoir bien presque une soixantaine d'années. Hein. Donc, c'est un très très bel âge, hein, pour les pirates. C'était effectivement quelqu'un qui, dans son jeune temps, apparemment aussi, était un compagnon d'armes de ton ancien capitaine. D'accord. Mais oui, malheureusement, il nous a quittés. Ils ont été attaqués et la plupart sont morts ou disparus. Mais dis-moi, gamin, est-ce que tu l'as vu mourir ? Sous mes yeux. Mmh. Il est parti avec son vaisseau, le Kraken infamé. Il attrape la bouteille de rhum. J'avais entendu dire qu'il y était arrivé un truc, mais... Ah, sale histoire. Enfin, une fin digne d'un pirate. C'est celle qu'il aurait voulu. Il lève sa bouteille, il la claque sur le bureau et il boit une franche gorgée. Avant de te tendre la bouteille de rhum. Bah, je vais faire pareil, hein. Claquer sur le bureau et boire une gorgée... En l'honneur de mon ancien capitaine. Allez, au capitaine. À la mémoire du capitaine Bartholomew. Alors, gamin, à part ces mauvaises nouvelles, j'ai l'impression que t'es ici pour affaire. Dis au vieux Morgan pourquoi t'es là. Eh ben, je suis constitué un équipage. J'ai récupéré un vaisseau et je viens nous inscrire officiellement comme des pirates d'Havana. Oh, voilà qui ferait plaisir à ton ancien capitaine. Bon. Inscrire son vaisseau, ça fait partie des trucs qu'on peut faire. Allez, il ouvre l'énorme registre, il tourne quelques pages. Alors, capitaine, on a dit Bart le Noir, Quel est le nom de votre appareil ? Dragonfly. Hop, il commence à noter. Modèle. Un galactique basique. Ok. Très bien, super. Hop, allez, tiens. Signe-moi là. Et vous serez officiellement des pirates. Prends une grande inspiration, en fait, hein, parce que... Bah voilà, depuis que je suis pirate, en fin de compte, j'ai toujours eu le rêve de devenir capitaine moi-même. Et je vais signer, en fin de compte, parce que là, c'est officiel. Je suis capitaine de mon propre équipage. C'est fait. Eh ben écoute, te voilà. Vous voilà officiellement inscrit dans le registre d'Avana. Le fameux. Donc le registre de la capitainerie. Ton nom traversera les âges, les millénaires, tout comme celui de ton vaisseau. Et très certainement, s'il y a des hauts faits, des choses comme ça qui y seront affiliées, afin d'en garder mémoire. Et plus tard, quand ce registre sera plein ou dépassé, il sera déplacé dans les différents registres, dans les archives, où on peut aller consulter l'histoire des pirates d'Havana. Félicitations. Bon, et dans ton équipage là, je me doute bien que t'es pas arrivé ici tout seul. Non, en effet. Alors, est-ce que tout le monde a déjà été initié ou pas? Pas qu'un seul qui a été initié, justement. Bon. Écoute, en souvenir de l'ancien capitaine, si tu veux, je peux ramener quelques personnes pour aider à l'initiation. Et il suffira juste que tu me dises à quel moment tu veux faire ça, ainsi que le lieu. Et nous pourrons nous occuper de faire en sorte que les bleubites qui t'entourent deviennent de vrais pirates. Eh ben, disons enfin, ce soir. Les bleubites ou les belles chattes. Enfin, pardonnez mon vocabulaire, madame, mais enfin bref. Il y a que Harold avec moi, donc c'est bon. Oh là, gamin, faut pas se coiffer comme ça. On dirait une femme. Tiens. Quoi? Tiens, bois ça avec ta voix toute fluette, là. Ça va te faire du bien, mon petit. Comment ça, ma voix? Je peux vous dire que ce gaillard, en fait, c'est l'un des meilleurs pilotes que j'ai pu rencontrer. Ce gars-là, il est capable de surfer alors que... on a des explosions énergétiques au cul. Oui, mais c'était un concours de circonstances. Hein, c'est en tout ça. Hein, sois ouais, pas aussi ouais, modeste. Bientôt un prétendant au titre de ceux qui arrivent à réaliser les plus beaux stellas spéciales, alors j'imagine. Clairement. Très bien. J'ai hâte de voir ça, gamin. Peut-être que si tu t'illustres, tu auras ta propre manœuvre. Sait-on jamais. La Devil Eye. Ouais, la Devil Eye, ça serait plutôt stylé, oui. Bon, ben... santé, hein. Je tape... Tu tapes dans le dos, en fait, hein. Alors, hein, le rhum d'Havana, il a un meilleur goût ici, hein. Oui, c'est pas ce que je voyais. Oui, on va dire ça. Vous voyez pourquoi je les ai emmenés ici, hein, maintenant. Oui. Ils ont décrassé un petit peu. Allez, il faut en faire de vrais hommes et femmes d'Havana, des pirates, qui ont soif de liberté et qui pourront la défendre, avec toute leur hargne à travers toute la galaxie. Faites bouffer à ces saletés de nations la vérité, hein. Y a qu'en étant libre qu'on peut exister aujourd'hui. Tout à fait. Bon ben, bah, je vous retiens pas. Soir, pour oui. Pour le bizutage. Allez, très bien. Très bien. Je vous enverrai des gars. Merci bien. Je vais lui tendre la main en fin de compte, hein, pour lui serrer une bonne poignée de main, justement. Hein, Eh ben écoute, il te sort une bonne poignée de main bien puissante, malgré le fait qu'il est perdu en stature, son âge. En musculature. On sent le vieux pirate qui, en son temps, devait effectivement être bien costaud. Il a de beau reste. Et puis, ben, je pense qu'on va rejoindre Violette et Never à la romerie. Eh ben écoutez, Neve, Belette, la journée, comme vous êtes arrivé sur Havana, hein, comme toujours, hein, pour faire au plus simple, on arrive toujours en journée, quoi qu'il arrive, pour se simplifier la vie. La vie sur Havana semble plutôt tranquille. Il y a des gens en train de dormir, il y a quelques bâtiments aux volets qui ont été tirés ou aux rideaux, parce qu'effectivement, comme vous pouvez vous en douter, avec les températures extérieures, c'est comme l'été en Espagne actuellement. Donc il fait un petit peu chaud, ça crame un petit peu. Donc les gens sont plutôt en train de dormir, de se reposer. Ça commence à vivre en fin de journée, toute la nuit surtout. Alors bien sûr, il y a un peu d'activité en journée, mais ça vit plutôt la nuit, alors que la température est plus clémente. Vous allez croiser des groupes de pirates qui se baladaient tranquillement. Les armes sont autorisées sur Havana. Mais les bagarres doivent se limiter au point. Les armes blanches, la règle, c'est uniquement pour les duels formels. Hein, et les armes technologiques, c'est clairement réprimandé. De toute façon, c'est complètement interdit. Voilà. Donc vous avez différentes maisons des plaisirs. Plaisirs de toutes sortes, bien évidemment, avec quelques beaux éphèbes et belles sirènes qui sont aux fenêtres, qui vous font quelques coucous. Vous avez dans cette allée principale, quand vous avancez, un grand hôtel particulier avec un énorme drapeau avec une espèce de tête de mort avec un bandana et quelques médaillons. Donc c'est le QG des Hijos de Havana, donc une des confréries principales de la planète. Plus loin, vous pourrez trouver aussi dans un coin un petit peu en décalé une grande maison de 3 étages complètement close avec sur sa façade décrépite quelques dessins qui représentent un crâne qui est visité par un serpent. Ça va être le QG des Black Mamba. Les autres aussi ont des QG, mais ils sont très certainement un peu éparpillés ou pas sur l'allée principale. Sur l'allée principale, vous retrouvez un magasin que Belette, tu appréciais particulièrement, parce que c'est là généralement où tu te fournissais en matériel de mort. Top Gun. Donc tout simplement, voilà. Vous y retrouverez tout un tas d'armes, d'ustensiles, avec son propriétaire mutant, Tools. Et bien évidemment, là où vous n'avez pas mis longtemps à arriver, quelques instants plus tard, puisque vous entendez déjà quelques sons de musique, un petit peu de musique à cordes, tout doucement, quelques maracas. La romerie, un petit air de fête tranquille, quelques sons de trompette. Vous avez quelques musiciens qui sont posés à jouer des airs plutôt reposants. Donc une façade d'un jeune pimpant qui respire le bonheur. Des volets blancs, ouverts. Le parfum du rhum qui inonde les rues alentour et avec son plus grand plaisir les narines de Belette, bien évidemment. À l'intérieur, vous voyez quelques pirates, quelques vieux loups de mer, quelques mutins inquiétants comme toujours, quelques jolies filles, mais ça reste très léger en termes de population puisqu'on est encore en journée. Donc des gens en train de blaguer, d'échanger, et bien évidemment de boire du rhum, qu'il soit blanc, vieux ou du ruma. Eh bien écoutez, vous pouvez même consommer quelques tapas fraîchement pêchés de poissons, de poulpes, d'autres mets de viande de cabri, de cochon qui proviennent de l'île, quelques oiseaux aussi, voilà, qui sont cuisinés à côté, juste à côté de la romerie, pour alimenter les personnes qui sont là pour passer un moment tranquille. Alors il y a peu d'activité, mais la romerie elle est tout le temps ouverte de toute façon, ouais. Il y a toujours du monde. Ça va commencer vraiment à se remplir en fin de journée. Plus ça va avancer, plus il y a du monde qui va arriver. Donc là, c'est vraiment ambiance tranquille, farniente. Voilà. Du coup, moi, quand j'arrive sur le seuil de la porte, avec Nev toujours avec le bras sur son épaule, hein, Nev, t'as pas le choix, quoi. je pousse la porte et je lui dis: Nev, respire cette odeur! Et là, je prends une grosse bouffée d'un plein les narines. Ça sent la vie! Et là, je me mets à gueuler dans l'entrée. Non! C'est son premier jour sur Havana! On a rien entendu! Moi, si, ça va, toi. Et du coup, je crie de ouf pour que dire: c'est son premier jour sur Havana! On voit! Alors, je sais pas si ça réagit ou pas, mais. Ah, bah, il y a plein de personnes. Tu as attiré l'attention d'à peu près 100% des personnes par là. Et 100% des personnes qui avaient un verre à la main l'ont levé, plus ou moins en faisant « Hey !» ou en criant pour t'accompagner, pour te saluer. D'autres moins, mais chacun a trinqué avec toi. Voilà. Ouais, et puis, bah, tu as effectivement... T'as un serveur qui s'est approché pour effectivement vous inviter à prendre place sur l'une des tables. L'une des nombreuses tables, que ce soit une table commune ou une petite table ronde à manche debout, comme vous voulez. Bah, du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre une table assez grande, parce que je me doute que les autres vont arriver dans la foulée. Une fois qu'ils nous mettront un bon verre de rhum d'Havana, je vais prendre mon verre, le mettre en face d'elle. Donc, je dis, prends ton verre avec moi. Et celui-là, il faut le déguster. Tu sec. Donc j'imagine qu'il doit être beaucoup beaucoup plus fort que ce que t'as jamais bu avant, parce que forcément les rhums qu'on a bu par avance, même si ils étaient à appeler Havana, c'est pas forcément pareil que celui que tu bois en ce moment. Donc je pense que tu dois le sentir passer, celui-là, parce qu'il doit arracher de ouf. Pleure. Alors, t'as plusieurs rhums, hein. T'as tout un tas de rhums. Hein. Donc, le propriétaire, c'est Domingo, le fameux propriétaire de la romerie. Voilà, il est en ce moment, il doit être très certainement à l'arrière ou en train de se reposer ou de préparer des choses pour le soir, hein, parce qu'il vend pas, il est aussi participant, il vend à la fois du rhum, des repas gastro, mais aussi. Des chambres, parce qu'il y a des chambres à l'étage, parce qu'on peut bien évidemment se reposer et faire une pause olé olé tranquillement à l'étage. C'est Havana, bien évidemment. Mais il y a quelques personnes, des Havanais souvent, qui viennent rendre un coup de main en échange de quelques bouteilles de rhum, d'une soirée. En fait, il y a toujours quelques personnes qui travaillent, plus ou moins, hein, en accord, on va dire, pour participer. Donc pour nettoyer un petit peu, faire en sorte que ce soit plus ou moins clean. Et ça participe à maintenir l'ambiance bon enfant du lieu. Alors Domingo, il est quand même réputé pour pouvoir mettre de sacrés mandales si on l'emmerde, on va dire, si on fait du grabuge à l'intérieur de la romerie. Donc c'est la romerie, grosso modo, un bar louche, encore une fois, mais bonne ambiance. Voilà, c'est un bar louche, bonne ambiance. Tu vois, c'est triple twister, mais beaucoup plus tranquille, quoi. Voilà. Yes. Voilà. Donc on peut y faire toutes les mêmes choses en termes d'illégalité, revendre son butin, avoir des conseils, on peut faire toutes les mêmes choses. La grande différence, c'est l'ambiance, c'est que là vous avez vraiment typiquement l'idéal pirate romantique. Avec s'il y a des petits trucs, c'est au pire on se met des mandales. Vous allez avoir, alors là c'est tranquille, hein, mais vous allez avoir tout un tas de personnes qui vont, dès que ça va s'ambiancer, des danses plus ou moins sensuelles, plus ou moins torrides, les gens avec le principe de fraternité, qui chantent ensemble, qui se payent des... Il y a toute cette ambiance-là, en fait, qui vient. Aucun combat n'est autorisé, sauf encore une fois des petits pugilats quand c'est entendu, mais pas d'armes à l'intérieur. Et c'est préservé, ça fait partie des lieux qui ont leurs propres règles et qui sont respectés par l'ensemble des gens d'Havana. Donc ça fait plaisir. Voilà. Donc vous pouvez... Encore une fois, si vous voulez être dans votre coin tranquillement. Alors les rhums, rhum blanc, rhum vieux rhum. Donc rhum blanc, c'est 1 crédit la bouteille. On va pas compter les crédits, mais voilà, pour vous donner une idée. Ouais. Vieux rhum, c'est 25 crédits la bouteille. La différence, C'est que celui-là, il vous soigne pas direct, mais quand vous vous faites soigner, quand vous avez bu du vieux rhum, avec la règle et une bouteille de rhum en fait, le test pour vous soigner, il est TF. Donc en gros, ça peut vous régénérer beaucoup plus, en fait, quand vous avez un soigneur. Okay. Et après, il y a de la ruma, donc c'est un rhum qui est concocté avec l'eau de ruma, donc c'est une des planètes du système. Donc c'est plus doux, c'est légèrement parfumé et plus doux que le rhum traditionnel. Et c'est beaucoup plus facile à supporter. C'est 5 crédits. Donc c'est généralement le rhum un peu entre deux. Entre le rhum qui cogne et le rhum agricole. C'est celui-là qui va être pris. Et il est prisé des personnes justement qui veulent boire du rhum, mais qui n'est pas très fort, qui n'est pas trop fort. Voilà. C'est un très très bon rhum aussi, quoi qu'il arrive. Et après, vous allez trouver aussi des collections de rhums qui ne sont pas des rhums d'Havana, mais des rhums un peu d'exception qui viennent des quatre coins de la galaxie. Puisque Domingo, dans les traditions et les choses qu'il aime bien faire, on sait que c'est un grand collectionneur d'alcool, on va dire, particulier. Et donc parfois, ça arrive régulièrement qu'il y ait des équipages de pirates, quand ils arrivent à Havana, bah, ils ont acheté ou récolté quelques bouteilles ou quelques caisses d'alcool spécifique et ils lui offrent en fait, en gage de remerciement et en échange de repas, de petits trucs, voilà. Donc il y a aussi toute une collection d'alcool d'un peu partout de la galaxie, des trucs très bizarres, très particuliers. Donc c'est l'agneau avec le crapaud, là c'est l'agneau avec une espèce d'alien à l'intérieur, là. Une grenouille à six pattes, comme ça quoi. Bah, là pour le coup, je suis parti vraiment, comme c'est sa première fois sur Havana, il faut qu'elle boit le rhum d'Havana dans sa... un bon rhum brun. Donc un bon rhum brun, un vieux rhum, bien costaud, voilà qu'elle sent tout. Toute la vitalité d'Havana dans son corps au moment où elle boit ce rhum. Ouais, donc forcément, un bon vieux bien rhum. Bien la vitalité. Voilà, ouais, le vieux rhum. Bien senti la vitalité. Voilà, donc ça va être vraiment ça, tu vois, c'est genre... Je suis vivant. T'es pas obligé de le faire à la mode belette, hein, Nev. Te laisse pas influencer. Tu peux le déguster aussi, ça passe. Te laisse pas influencer par cet alcoolique. Mais moi, c'est tellement naturel, tu vois. Je veux dire, voilà, c'est comme ça, c'est l'hiver. C'est bien ça le problème. Tu bois ça comme de l'eau. D'ailleurs, tu bois pas d'eau. Voilà, donc c'est le rhum qu'elle a eu dans son verre. Voilà. Yes, super. Très bien. Donc j'imagine que voilà, on va trinquer en attendant qu'ils arrivent. Donc ça va être plus ou moins. Alors après forcément, je vais pas forcer à ce qu'elle boit non plus. Même si je vais être très allez, on se boit. Bah voilà. Mais si elle veut pas, elle peut ne pas boire. Hein, je vais pas non plus. Voilà. Mais tu vas être voilà, insistant, mais ça va être. Tu vois quand même que je suis super content d'être là. Après, il y a le rhum, mais c'est quand même plus parce que je suis chez moi, quoi. Et que je suis content d'être là, et forcément, bah. Voilà. Et donc, en attendant, voilà, je discute avec tout le monde, je te présente des gens. On est tous. Tous ceux qui sont là, c'est très convivial, donc. Voilà. Yes. De toute façon, il suffit d'aller voir n'importe qui, de blaguer, d'échanger, etc., pour de suite se faire accueillir. Comme je disais, hein, il y avait peut-être un ou deux mutants un peu inquiétants, avec les muscles hypertrophiés, avec vraiment pas des gueules de porte-bonheur, etc. Sauf que c'est des pirates en fait. Donc, dès que vous commencez à parler un petit peu des valeurs de la piraterie, du code, de certaines choses, que vous êtes là, vous venez d'arriver, etc., tout le monde est content d'accueillir en fait de nouveaux pirates généralement. Et en tout cas, ceux qui sont présents ont la fraternité dans le sang. C'est parfait. Alors, ben vous êtes rejoint quelques temps après avoir commencé à festoyer un petit peu par Bart et Harold. Vous vous retrouvez tous quatre. Je vais aller commander une bouteille hein, de vieux rhum hein, pour. Harold a pu goûter déjà, mais bon, voilà. Pour trinquer en fait. Hein, Continue! À notre voyage, trinquer aussi à notre pilote, qui nous a quand même sorti de sacré mauvais pas, hein. C'est possible. Mais également à notre ingénieur qui, sans elle, on aurait été bien dans la merde. Fais mon travail, hein. Ben, vous l'avez fait bien. Et faut dire quand on fait bien les choses. C'est important. Merci, capitaine. Ah ben, merci. Vous vous reposez? Bah oui, hein. Se reposer, et puis... Bon, je vais pas prévenir personne, hein, mais c'est vrai que je vais réunir le... tout l'équipage devant la remise le soir pour quelques festivités. Très bien. Très bien, très bien. Eh ben écoute, Bart, tu as réuni tout ton équipage. Et l'idée, c'est de les amener après vers le vaisseau. Ou sur la coque, ou dans la soute. Ou sur la plage, à côté du vaisseau. Mais vers le vaisseau. Voilà. Donc après, au choix, tu fais comme tu as envie. Ok, bah ouais, bah on va se diriger... Bah dans la coque, hein, c'est là où il y a le plus de... Enfin, pas dans la soute, enfin... Ouais. Bah, si tu te mets sur la coque, place, hein. Au-dessus. Ouais, au-dessus. Bon, vous tenez de toute façon, hein, vous êtes à une petite quinzaine, hein, donc all is good, quoi. Ouais, donc, ouais, ouais. Au niveau de la soute, eh bien écoutez, quand vous arrivez dans la soute, il y a déjà... il y a un groupe d'une demi-douzaine de pirates, et toi, Harold... Tu reconnais le vieux pirate qui était à la capitainerie, le vieux Morgan Drake. Donc vous avez un groupe de pirates visiblement expérimentés. Sur la demi-douzaine, il y en a peut-être... Il y a Morgan qui approche, qui avoisine la soixantaine d'années, donc un très très vieux pirate. Après il y en a un, le plus âgé derrière, vous lui donnez entre 30 et 40 ans. Et après sinon les autres, ils ont voilà, entre une petite trentaine d'années. Et devant eux, il y a tout un tas de matériel assez étrange, puisque vous voyez des morceaux de tissu comme des bandeaux, vous voyez des chaînes, vous voyez des sacs, et vous voyez effectivement un grand nombre de sabres. Oh non, non, non, non, non, non, non, non, non. Ne vous inquiétez pas. Ah, si, et je donc... m'inquiète là... Je suis malade en plus, je me sens très bien. Faudrait peut-être que j'aille me coucher, je pense. Non, on va prendre du rhum si t'es pas bien. Il y a des réparations à faire. Je crois que j'ai trop pris de rhum. J'ai envie de. Faut que j'aille voir. Avec Belette, en tout cas, moi et Belette, on est devant la porte de la soute, personne ne sort. Hein. Bah, comme ça, on regarde bien avec un air. Excusez-moi, capitaine, on est fiers, bloqué la sortie. C'est de l'autre côté que ça se passe. C'est vraiment ma liberté, vous savez, être pirate. Si vous voulez être des pirates, il va falloir passer par là. Tu vas pas quand même rester une fiotte. Passer par la porte. Alors, allez. Rends-nous fiers. Capitaine Lenoir, qui va commencer? Je crois que nous avons un volontaire ici. Et je vais pousser en fait contre Harold. Bon, bah, cassez-moi vite la gueule, s'il vous plaît. Donc, écoute, tu es poussé et t'as un des pirates, quand t'es poussé vers lui, qui sort un petit sac en toile de jute qui te met sur la tête pour d'un seul coup couper ton champ de vision. Et vu que c'est le premier, mais que tout le monde va y passer, sauf du coup Bart et Belette, vous êtes les deux seuls à pas y passer. Donc lui c'est le premier, tout le monde va, après les autres s'approchent et ils te jettent aussi à Neve un sac, il dit sur la tête, allez. Donc tout le monde met un sac sur la tête. Donc ils se tiennent tous avec une espèce de cordelette, donc ils reprennent tout le matériel, ça fait du bruit, ça clingue et tout, c'est un petit peu oppressant. Donc vous sortez sur le ponton, vous marchez. Au bout d'un moment, après un moment donné, Harold, Nev, vous êtes poussé, vous tombez dans l'eau. Alors en fait, on est déjà remonté sur la plage, hein. Mais entre le fait de on tombe dans l'eau, est-ce qu'on a pied, est-ce qu'on a pas pied, ça fait sursauter un petit peu. Donc vous vous relevez, on vous traîne encore, et là, vous êtes poussé, plus ou moins gentiment, et vous tombez dans un trou. Sauf que vous tombez dans une espèce de boîte, une grande caisse en bois, qui est un peu plus grande que vous. Vous êtes poussé un petit peu dedans. et vous entendez un truc qui se referme au-dessus. Alors peut-être que si vous avez l'envie de vous redresser pour essayer de savoir, votre putain, qu'est-ce qui est en train de se passer, vous êtes enfermé dans un cercueil, vous entendez des clous qui se font tapent non, au niveau. Non. Alors, pas ça, s'il vous plaît. Claustrophobia, me voilà. Et derrière, vous entendez du sable qui atterrit sur le cercueil dans lequel vous êtes. Donc ah, avec, tu te souviens quand on est passé par là, ah, moi je rigole. Donc quelques éclats de rire, quelques morceaux. Vous entendez bien sûr les voix un peu avenantes de Morgane et d'autres qui disent ah, « On verra combien on rescaperont !» Donc, au bout d'un moment, vous entendez effectivement du sable qui tombe comme ça sur le cercueil dans lequel vous avez été enfermé. Sauf que la seule chose que vous finissez par entendre, c'est votre propre respiration. Vous avez été enterré vivant. Allez, au revoir. Est-ce qu'on entend du bruit à l'extérieur ou pas du tout On entend une voix comme ça qui résonne un petit peu, parce que vous êtes alors vous n'êtes pas enterré très profondément, hein, c'est pour un truc. Et vous entendez une voix qui vous dit alors, vous voulez toujours devenir des pirates? En tout cas, je veux pas être mort. Allez, sortez de là! Et vous avez le capitaine qui vous a crié de sortir de là. Faites honneur à votre capitaine! Regarde s'il y a des objets dans où est-ce qu'on a été enterré. On a rien. Genre on a été. Bah écoute, tu tapes un petit peu. Vous sortez plus ou moins difficilement, vous extirpez du bois, du sable. Vous arrachez la toile de jute sur votre visage et vous êtes directement traîné. Il y a un feu qui a été allumé entre un grand brasero et il y a des sacs, effectivement, de grands sacs devant vous. Vous êtes traîné et on vous intime. Morgane vous dit « Allez, puisque tu veux être un pirate, débarrasse-toi de tous les signes qui te font appartenir à Nation Stellaire. Vide-moi ça. Allez, gamin !» Sortez-moi ça de là, débarrassez-vous de vos chaînes. Pas de collier, hein, j'ai pas de chaîne. Hein. Pour les bofs, vous voyez ça, autour hein. De vous tout un tas de gens qui avaient peut-être encore des uniformes, un badge, toutes les possessions qui font référence aux nations, que les gens avaient en fait, ils les mettent dans le sac. Donc si vous avez des éléments à vous débarrasser, rien. Voilà, des trucs distinctifs. Vous les mettez, alors s'il n'y a rien, peut-être vous mettez un petit truc. Hop là, tiens. Et. Je balance mon épée du coup. Et que. Allez. Tout ce qui peut être signe distinctif. Suite à quoi, les sacs sont fermés et on vous les attache par des chaînes autour de la taille, comme pour faire un espèce de poids. Alors. Quand il y avait trop peu de choses, ils ont rajouté bien évidemment des cailloux, des coquillages, des bibelots pour alourdir le sac. Ensuite, on vous bande les yeux, donc avec cette fois des bandeaux, et vous sentez vos poignets qui sont liés. À côté de ça, vous avez Morgane qui vous scande comme ça. Libérez-vous de l'oppression, libérez-vous de vos chaînes. Vous avez été des gens lambda, vous apparteniez aux nations stellaires, mais vous avez réussi à vous libérer. Et alors qu'il dit ça, vous sentez qu'on vous soulève, tout doucement, et par contre là, vous êtes balancé dans l'eau. À la manière un petit peu du baptême, vous êtes projeté sous l'eau, et vous avez des mains qui vous maintiennent sous l'eau, comme pour vous noyer. Donc très certainement que certains vont se débattre parce que c'est peut-être pas super cool comme sensation. Et plus vous vous débattez, plus on vous maintient sous l'eau, jusqu'au moment où vous acceptez d'une certaine manière d'arrêter de taper dans tous les sens, alors que vous êtes peut-être à la limite de la noyade en train de commencer à suffoquer, et d'un seul coup vous sentez en fait le poids autour de votre taille ou de votre buste, là où les chaînes étaient attachées, vous sentez ce poids être défait par d'autres mains que les vôtres. Donc peut-être celle de Belette, peut-être celle de Bart, puisqu'il faut de vrais pirates pour défaire les chaînes des oppressés. Vous êtes ressorti de l'eau, on vous relâche, vous pouvez respirer, et vous êtes accueillis sur le sable comme des nouveaux-nés. Allez, bienvenue aux nouveaux pirates! Suite à quoi, on vous offre un sabre. Chacun et votre capitaine, donc Bart, tient le code des pirates, un code des pirates entre les mains. Il vous le lit à tout l'équipage, donc vous êtes 13, si je ne m'abuse, à participer. Donc vous êtes 13 à vous faire lire le code des pirates. Et Bart vous demande, tu peux leur demander après de jurer, de respecter le code. Suite à quoi on retirera, vous êtes toujours les yeux bandés pour l'instant. Suite à quoi on vous retirera votre bandeau, donnez votre sabre et vous serez accueillis comme des pirates. Je jure de le suivre, la liberté d'embrasser cette vie de pirate. Alors, est-ce que tu peux le refaire? Oui, parce que ça, ah, ça a coupé de mon côté? Ouais, ça a coupé un tout petit peu. Harold, jure-tu sur le pirate, respecter et d'embrasser cette vie de pirate? J'accepte d'embrasser cette vie de pirate, oui. Sur le code. Je jure sur le code. Et... Nem, sur le code pirate, d'embrasser la liberté, d'embrasser cette nouvelle vie de pirate. Oui, je jure sur le code d'embrasser la vie de pirate. Félicitations, vous êtes maintenant des pirates. Bon. Et sous les acclamations, parce que bien évidemment, il y a quelques spectateurs qui de loin, on savait ce qui se passait, il y a plein de hurlements de joie et de liesse par Belette et par tant d'autres. Et c'est ainsi que nous arrêterons aujourd'hui cette session officiellement en pirate. Bravo, bravo, bravo. Félicitations. Bravo. Félicitations à vous deux. Yes. Enfin, à vous 13 du coup. Parce que là, ils sont 13. Mais vous deux, en priorité. Vous 11. 11. <C'est>, ouais. Nous deux, on y est. ouais, c'est vrai. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey. And up she rises early in the morning. We'll put him in a longboat till he's sober.